êtes assez fou pour l'écouter. Le service aux étudiants de l'UQTR vous présente Assemblage requis. Aujourd'hui à Assemblage Requis. On boit du thé avec Xavier Antoire dans Tais-toi et cuisine. Et on revient sur le Super Bowl avec Nicolas Ducharme. Ah, yeah, Super Bowl. Je pense que c'est plus que les... Ah, les Giants. Ah, ouais. Il y en a qui se présenteront pas au travail aujourd'hui. Non, c'est ça. Est-ce qu'au Québec, les gens trippent tant Super Bowl que ça ou c'est plus une occasion de boire et de manger? Les deux. Ouais, les deux. En fait, c'est une bonne partie de football qui sert de prétexte justement à ça. C'est du social. C'est du social. Mais je pense que Kiwan en a été victime hier. Ben, j'ai entendu dire, hein, parce qu'il n'est pas avec nous aujourd'hui, d'habitude à 7h15, on le recevrait en direct de l'Alberta, Kiwan en cavale, mais il m'a dit qu'il sentait pas très bien. Là, ben ouais. Il est échappé hier. C'est ça. Il l'a écouté. Partait Super Bowl, ça se pourrait très bien. Je pense que oui. Par contre, à 8h, on va voir Xavier Antoire et sa collègue Tais-toi et cuisine. Il va nous parler de quoi aujourd'hui, je sais pas. On sait qu'une semaine sur deux, il fait un agencement mai-été. Et l'autre semaine, c'est plus des suggestions qu'on lui a faites. Est-ce qu'il va nous parler de rhume? Peut-être, je sais pas. Je sais pas, peut-être. Peut-être bien. C'était ça la dernière fois qu'on lui avait demandé. C'est ça. Ensuite, à 8h30, on aura Nicolas Ducharme pour parler, entre autres, du Super Bowl, hein, dans sa collègue Ducharme et du sport. C'est sûr qu'on revient là-dessus. Pas le choix. Une grosse partie, ça a été serré jusqu'à la fin. Ah ouais? J'ai pas gagné. Ah, t'as misé sur les Patriots? Ah, ben j'ai pas misé. Non, je suis pas... pas un gambler. Non. Bon. Est-ce que t'as vu la pizza que Nicolas s'est fait à la maison? Non, j'ai pas pizza vu. Pizza fait maison. Non? Faites maison, en tout cas, sur Facebook, c'est joli. Sinon, aussi dans l'émission, on va voir la chronique Geeks et NX, hein, le contraire total du Super Bowl. Même si, en fait, je dois vous dire, on a parlé la semaine passée, mais Madden NFL 12 avait prédit, je crois bien, que les Giants gagneraient. Giants, par combien? Tu te rappelles-tu? C'était-tu 3 points? Je vais aller voir. Ouais. Je me rappelle pas. Parfait. Et on a aussi C'est un fait pour combler le vide de notre ami Kiwan. Voilà, c'est un beau petit plan pour l'émission d'aujourd'hui. La première semaine complète de février qui commence. Wouhou! Wouhou! Et on est bien ce matin. Oui, c'est hey! C'est pas froid dehors. Et en fin de semaine, c'était-tu pas beau, ça? Ouais, non, ça fait du bien. Une belle fin de semaine, samedi, une belle journée, dimanche aussi. Ouais. Espérons que la semaine va être comme ça aussi, un peu. Hein? Ouais. Bon, espérons-le. Alors, on commence l'émission avec Salomé Leclerc. Voici Ne reviens pas. Pour 89 FM, c'est fou dans vos oreilles. Parce que nous, on n'en revient pas que les Giants gagnent. Ah. Hein? Arrête de dire ça. Jamais ramper dans la boue. T'as qu'à éteindre le jour pour ne pas voir les morsures à mon cou. Va déposer les armes au fond. Thank you. Marie-Pierre-Arthur, la pièce file de soie à Assemblage requis sur C'est fou. Merci Mathieu. De rien, François. C'est ma job. Là. Ouais. Faire passer des bonnes chansons comme ça. Ben, c'est ça. C'est ma mission. Oh, je suis pas habitué parce qu'avec ton chiptune, tu sais. Ouais, mais il n'y en aura pas dans cette chronique-là, oh! François. Oh! Hey, je te l'annonce en même temps. Quel beau lundi. Ben oui, beau petit lundi matin. Voici la chronique scénique, ça. Moi, je me suis donné une petite mission côté musique dans les chroniques scéniques dorénavant. En tout cas, je vais essayer de remplir cette mission-là comme il faut. Je me suis dit 2 extraits par semaine. OK. OK, on maintient ça à ça. Ouais, c'est ça. Et y aller plus relax. OK. Pas trop élevé. OK. Ben, ça s'est passé une fois ou deux. Je suis peut-être allé un petit peu intense dans mon Ça revolait de toutes les bords. Ouais, et comme je suis à faire la chronique en début d'émission avant les chroniqueurs, ben c'est ça. Peut-être me calmer un petit peu. Donc, c'est ma mission. Mais aujourd'hui, il n'y en aura pas de chiptune du tout dans cette chronique-là. OK. C'est ça. Commençons par contre avec votre bulletin geek de la fin de semaine. On n'a pas fait le CNX depuis jeudi matin, donc on couvre jeudi, vendredi, samedi, dimanche. C'est quand même pas mal. Hein? Mm-hmm. Twitter est plus tentant que le sexe et le sommeil, selon une étude américaine. Tweeter et vérifier ses courriels seraient des envies plus difficiles à résister que l'alcool et la cigarette, c'est ce qui ressort d'une étude de l'Université Booth de Chicago, étude qui visait à vérifier la capacité des gens à résister à leurs pulsions. Okay. Cette étude serait la première à tester les gens à l'extérieur d'un laboratoire, dans leur propre environnement. On a surveillé 205 personnes âgées entre 18 et 85 ans en Allemagne, toutes propriétaires d'un BlackBerry. On les contactait 7 fois par jour sur une période de 14 heures pour qu'elles répondent à savoir s'ils avaient vécu un désir particulier dans les 30 dernières minutes, de quel type il était, sa force, s'il entrait en conflit avec d'autres désirs et s'ils avaient résisté ou cédé à ce dernier. Il y eut 10 558 réponses et 7 827 désirs répertoriés. Première constatation, notre volonté diminue à mesure que la journée avance. La chose la plus difficile à résister, c'est les médias sous toutes leurs formes, incluant les médias sociaux. Vient ensuite le travail, même s'il entre en conflit avec nos autres activités. Il était comparativement plus facile de résister aux envies de tabac, d'alcool, de sexe et de sommeil. Les chercheurs croient que les envies nécessaires à la survie de l'espèce, soit le sexe et le sommeil, sont probablement encore plus fortes, mais qu'il est encore plus facile de leur résister que de s'empêcher de tweeter ou de changer notre statut Facebook. Les activités qui nous apparaissent faciles, sans risque et de plus en plus disponibles quand on le veut. Oh. Je suis capable de retenir facilement, moi, sur le Twitter et le Facebook. Hein? Ben oui, me semble. Ça a pris un petit bout, il y a quelques peut-être années, mettons. J'étais sur le Facebook assez souvent. OK. Maintenant, j'y vais plus. Non, je vais plus. Non, mais je vais voir mes messages. Twitter, des fois, un peu. T'as un compte? Oh, j'ai un compte sur les deux, donc tu sais, j'y vais, là. J'y vais une fois de temps en temps, mettons, juste regarder une page précise, mais j'aime plus ça suivre les actualités de tout le monde en même temps. Okay. C'est une surcharge d'informations qui m'apparaît un petit peu comme pas très nécessaire. Ouais. C'est bon. Mais bon, genre, je parle pas contre et puis je dis pas que je vais me désinscrire. Jamais, ça donne rien de se désinscrire, sérieux. Je vous dis que je me contrôle moi-même, j'ai pas besoin de me désinscrire pour ça. Non, exact. Mais bon. Restons dans les médias sociaux un peu. L'utilisation des réseaux sociaux par les adolescents américains de 12 à 17 ans augmente rapidement selon une étude du Pew Research Center. Pas très surprenant là encore. Donc, environ 95% des adolescents utilisent régulièrement Internet et 80% d'entre eux sont des utilisateurs des réseaux sociaux. Environ 70% s'y connectent à chaque jour. Le réseau social le plus populaire auprès des adolescents américains est Facebook, dans une proportion de 93%. MySpace arrive au second rang et Twitter au troisième. Yahoo et YouTube se trouvent également parmi les 5 favoris. Yahoo, ça me surprend. Les réseaux sociaux sont tellement populaires auprès des adolescents qu'ils n'hésitent pas à mentir au sujet de leur âge pour pouvoir s'y inscrire. Facebook et YouTube requièrent l'âge de 13 ans pour pouvoir ouvrir un compte. 44% ont affirmé avoir menti pour s'y inscrire. Eh bien. Les adolescents sont conscients de l'importance de la sécurité sur les réseaux sociaux puisque la moitié d'entre eux a avoué ne pas avoir publié quelque chose sur les médias sociaux pour ne pas nuire à leur réputation dans le futur. La majorité a aussi un profil visible à leurs amis seulement. Les adolescents utilisent les réseaux sociaux pour différentes raisons. Envoyer des messages instantanés à un ami, publier un commentaire sur la publication d'un ami ou mettre à jour leur statut. Les adolescents interrogés ont aussi souligné que la plupart de leurs amis, entre guillemets, sur les réseaux sociaux étaient gentils avec eux. Ils n'ont expérimenté que très peu d'expériences négatives. Toutefois, 88% des adolescents ont affirmé qu'ils ont vu une autre personne être méchante envers quelqu'un sur les médias sociaux. Le sondage a été réalisé du 19 avril au 14 juillet 2011 par téléphone en anglais et en espagnol auprès de 800 adolescents américains avec une marge d'erreur de 5%. Voilà. Mais non, 95% des gens qui sont qui utilisent régulièrement Internet, les 5 autres pourcents font quoi? Je sais pas. Ça semble bizarre. Ouais. Tout le monde utilise ça comme t'as pas le choix pour ta job, pour ta vie. En fait, mais bon. Ouais, j'imagine, mais tu sais... C'est sûrement les Amish. aux États-Unis. Les Amish. C'est ceux qui ont des avec des vêtements puis qui vont ils ont des vêtements. Qui ont aucune électricité là, tu sais, genre puis aucun gadget, pas de télévision, etc. Ok. Ça se peut. Mais en même temps, ils ont sûrement pas de téléphone, donc ils n'auraient pas pu suivre le sondage. Oh, oh, oh. Non, mais c'est vrai. Répondre au téléphone aux toilettes. Est-ce que c'est quelque chose que tu fais fréquemment? Ne réponds pas. réponds pas à ça. Selon un sondage publié le 30 janvier par l'agence Eleven Mark, spécialisée en marketing, 75% des Américains avouent utiliser leur téléphone aux toilettes. 75%, 3 personnes sur 4. Hein. Et parmi eux, les possesseurs de BlackBerry sont les plus nombreux à avouer y passer des appels téléphoniques. Alors, ça ne me surprend pas, les gens qui utilisent des BlackBerry, c'est des sales. Non, c'est pas vrai. Mathieu Plante. Ça, hey. Pour ce sondage réalisé tout au long du mois d'octobre 2011, Eleven Mark a interrogé 1000 utilisateurs de téléphones portables. Il en ressort que 75% des Américains envoient des messages, textes et courriels et répondent même parfois à des appels lorsqu'ils sont aux toilettes. C'est gênant, ça, par exemple. Ben oui. Je l'ai déjà fait, là, mais... C'est quand ça sonne que tu réponds aux toilettes, non? Mais non, c'est assez de pas parler fort, mais... Allô? Ouais, c'est gênant. Les utilisateurs d'appareils tournant sous Android sont les plus nombreux à admettre l'utilisation de leur téléphone intelligent aux toilettes, 87%. Ils sont suivis de près par les utilisateurs de BlackBerry, 84%, et ensuite iPhone, 77%. Cependant, de tous les sondés, ce sont les possesseurs de BlackBerry qui sont les plus nombreux à avouer téléphoner au petit coin, quand 67% des utilisateurs Android et 60% des utilisateurs iPhone déclarent l'avoir déjà fait. C'est 75% chez BlackBerry. Selon l'étude, il existe peu de différence entre les pratiques féminines et masculines. 74% des hommes et 76% des femmes admettent l'utilisation du téléphone qui semble l'utiliser à des fins... on dit qu'ils semblent l'utiliser à des fins professionnelles. Ouais, liées au travail. Ces résultats reflètent l'extrême prévalence du mobile et du besoin de connectivité au quotidien. Évidemment, ça va sans dire tout ça. Une nouvelle un petit peu plus triste dans ce cas-ci, en fait beaucoup plus triste, un homme qui meurt dans un café internet et son décès a été découvert 9 heures après. 9 heures après? 9 heures après. Mm. Un Taïwanais est mort dans un café internet en jouant à des jeux vidéo et ses voisins n'ont remarqué son décès que 9 heures plus tard, a indiqué la police. Une serveuse... T'es pas tombé par terre ou non? Tu tombes pas par terre quand tu meurs? Peut-être qu'il avait l'air de dormir. Moi, j'avoue qu'il me semble que c'est le... Ben, je sais pas, tu peux pas rester assis avec la main sur la souris. Non? J'avoue. Ben... Bon point. C'est vrai. C'est beau. Une serveuse a retrouvé mercredi soir l'homme de 23 ans mort, le corps rigide, assis sur la chaise et les mains tendues. Tu vois, il me semble logiquement, j'aurais pensé comme tu penses, mais bon. Il était entré mardi soir dans le café au nord de l'île, près de Taipei. L'établissement est ouvert 24 heures sur 24. La serveuse l'a vu téléphoner mercredi vers midi. Selon les premières constatations, il serait mort peu après. Et les 30 autres clients du café n'ont rien remarqué pendant plus de 9 heures. L'homme est mort d'un arrêt cardiaque. Ça fait peur. Eh bien. Ça fait peur. Ouais. Des lunettes à réalité augmentée. Est-ce que ce sera l'avenir des enquêtes criminelles? Des quoi? Des lunettes? À réalité augmentée. Okay. Où tu peux recréer les choses dans tes lunettes, dans un environnement dans tes lunettes, mais qui n'est pas dans la vraie vie. Donc, parlons-en. Les chercheurs de l'Université de technologie de Delft, aux Pays-Bas, ont développé un modèle de lunettes équipé d'un système à base de réalité augmentée destiné à aider la police criminelle sur ses enquêtes. Le dispositif permet de reconstituer les scènes de crime sous la forme d'une vidéo en 3D capable d'être visitée même lorsque les scènes n'existent plus. Incroyable, on se croirait dans une émission de science-fiction, là. Le travail des chercheurs hollandais fait un peu penser au système Harry qu'on peut croiser dans le jeu Heavy Rain. L'utilisateur est invité à porter des lunettes équipées de deux capteurs vidéo qui enregistrent les images en 3D en relief. Tout en filmant un environnement, il peut placer des marqueurs virtuels à certains endroits à l'aide d'un mouvement de la main pour signaler un indice, comme une tache de sang. Les éléments sont ainsi signalés et des commentaires apparaissent à l'écran lorsque l'utilisateur est à proximité. Incroyable, ça, là. Juste incroyable. Une fois enregistré dans ses moindres détails, la scène peut être revisitée virtuellement par la suite grâce aux lunettes. L'objectif est de la rendre disponible tout au long de l'enquête et même d'être utilisée comme pièce à conviction au tribunal. Imagine, tu sais, tu peux faire revivre la scène au juré. Ouais, c'est bizarre, hein? C'est freak! Il est également possible de communiquer en direct à distance avec d'autres agents ou des criminologues. Le premier policier arrivé sur une scène de crime pourrait ainsi rapidement repérer les lieux et transmettre les premiers éléments dans la foulée. L'un des développeurs du projet explique les premiers tests qui ont été concluants. Même si les premiers utilisateurs ont été en premier lieu intimidés ou perturbés par l'impression d'avoir quelqu'un d'autre dans leur tête. Assez épeurant en effet. Les chercheurs présenteront leur prototype à Washington le mois prochain et espèrent pouvoir le tester sur le terrain sur une vraie scène de crime. Moi, cette idée-là me rend fou, j'adore ça. Non, c'est cool. Et plus tard, imagine dans plusieurs décennies comment ça pourrait être utilisé pour les jeux vidéo aussi. Hein. Non, c'est sûr. C'est... Génial. Eh bien. Steve Jobs a été élu deuxième plus grand inventeur de tous les temps. Qui est le premier? C'est quoi? Je sais pas. La liste fait Thomas Edison en premier, Steve Jobs en deuxième. Ah, oh, ouais. Thomas Edison, ouais, pas sûr. Le baromètre annuel de l'innovation Lemelson MIT a nommé l'ex-PDG d'Apple Steve Jobs, décédé le 5 octobre, deuxième plus grand innovateur de tous les temps après l'inventeur de l'ampoule électrique Thomas Edison. On s'entend que l'ampoule s'est changé pas mal plus de choses que l'industrie du iPod et du téléphone, mais bon. Le baromètre Lemelson MIT, qui sont les jeunes Américains de 16 à 25 ans sur leur perception des inventions dans tous les domaines, leur a demandé qui ils pensaient être le plus grand innovateur de tous les temps. Donc, si c'est des gens de la communauté en 16 et 25 ans qui ont répondu, ça me surprend que Thomas Edison soit en premier même là. Ouais. D'après les résultats de l'enquête publiée le 25 janvier, 24% des sondés décerneraient ce titre à Steve Jobs, l'ancien PDG d'Apple. Steve Jobs devance ainsi Alexander Graham Bell, l'inventeur du téléphone, qui a recueilli 10% des voix. Tu sais, faut que tu te mettes dans le thème là, aussi. Là. Oui, Bell, à l'échelle de toute la vie, là, genre, toute l'histoire. Ouais. Là. Ensuite, la pionnière des recherches sur la radioactivité Marie Curie à 5%, le créateur de Facebook. Mais voyons donc. Sérieux, Mark Zuckerberg, 3%. Oui, c'est des inventeurs dans un certain sens. Oui, présent mais... là. Ouais. C'est comme, tu sais, tout le monde tripait sur MySpace là, il y a quelques temps, puis c'était ça la grosse affaire. Facebook dans 5 ans, hein? Peut-être pas. La pionnière de l'aviation, Amelia Earhart, à 3%. Temple Grandin, à 2%, docteur en biologie animale et inventeur d'une machine qui calme les personnes hypersensibles. Mais c'est Thomas Edison qui l'a emporté au la main avec 52% des voix. L'inventeur a déposé au cours de sa vie, entre 1847 et 1931, pas moins de 1093 brevets. Ça, c'est un inventeur, tu sais. Il serait l'inventeur, entre autres, de l'ampoule électrique, d'un système de distribution d'électricité et de fluoroscopie, une technique d'imagerie médicale. La contribution de Steve Jobs à l'avancement de l'humanité a été largement célébrée de par le monde depuis sa mort, notamment par l'érection en décembre dernier d'une gigantesque statue à Budapest. On ne remet pas en question le fait qu'il a fait quelque chose. Là, ouais, ouais, non. Mais pas plus... pas juste en dessous de Thomas Edison. Ben non, c'est ça, s'il vous plaît. Non? En tout cas, s'il vous plaît. Que voulez-vous? S'il vous plaît, collègue. Parlons de jeux vidéo maintenant. La migration des serveurs d'Ubisoft va bloquer l'accès à certains jeux à partir de demain. Ubisoft va déplacer certains de ses serveurs permettant l'accès au service Uplay, mais également l'authentification en ligne de certains de ses jeux qui intègrent son DRM, le Digital Rights Management, de ses jeux chez Ubisoft. Tu sais, c'est le principe où il faut absolument que tu sois connecté à Internet pour pouvoir jouer, même si tu joues en solo. Là. OK. Les jeux d'Ubisoft font ça de ces temps-ci. Donc, l'éditeur a annoncé que certains titres ne seraient tout simplement pas jouables durant une durée indéterminée. Tu sais pas quand est-ce que ça va revenir. T'as pas de peut-être une date que tu aimerais que ça au moins commence à fonctionner. Non, rien. Les joueurs PC et Mac adeptes des titres d'Ubisoft verront leurs habitudes perturbées à partir de mardi, date à laquelle l'éditeur va déménager certains de ses serveurs. Certains jeux nécessitant une authentification en ligne seront touchés, de même que les modes multijoueurs qui seront inaccessibles. J'imagine que ça va être quand même assez rapide, là, par exemple. Espérons-le, mais si ça fait autant controverse, je me demande si ça va pas durer au moins quelques jours. Ou au moins une journée complète. Ouais. Je miserais au moins une journée complète. Sinon, on n'en parlera peut-être même pas. Si pire que non, c'est ça. C'est. Non. Mais. Fais autre chose. Fais ton lavage, fais ta vaisselle. Rattrape le retard dans toutes tes tâches ménagères. Ouais. C'est ça. Mais quand c'est, mettons, Xbox Live ou PlayStation Network. C'est plus achalant. C'est plus achalant, mais en même temps, ils le font la nuit souvent. Ouais, c'est ça. La nuit dans leur grand marché. Donc, mettons, ils vont faire la mise à jour de l'Amérique du Nord pendant la nuit de l'Amérique du Nord, c'est mettons. Ouais. J'imagine. Ouais, j'imagine aussi. C'était en Europe. Sinon, ça n'a pas de sens. C'est ça. Et la nuit commence pas à 11h. Mais non, c'est ça. Dans la nuit. Ouais, c'est ça. C'est ça. Pendant que tout le monde, la plupart des gens dorment. Les joueurs sur Mac ne pourront plus accéder à Assassin's Creed, Splinter Cell Conviction et The Settlers 7 Path to a Kingdom, tandis que les joueurs PC ne pourront plus jouer à Tom Clancy's Ox 2, Might and Magic, Hero 6 et The Settlers 7, que ce soit en multijoueur comme en solo, dans la mesure où le DRM intégré au jeu, comme on disait tantôt, sera capable d'identifier les copies via les serveurs distants. Ça, c'est la technique là, que tout le monde déteste. Là. Sérieusement, ça peut pas continuer comme ça. Ça peut pas être tout le temps comme ça. Il faut absolument que tu te connectes sur Internet, même si tu joues en solo. Ouais. Je comprends pour le online, là. Mais tu sais, mettons, t'es dans l'autobus ou dans un avion, tu veux jouer à un jeu vidéo, tu peux pas parce qu'il faut que tu te connectes sur Internet, mettons, puis tu veux pas payer le forfait. Non, marche pas ça. Et ça disait que c'est une situation qui devrait durer peu de temps, comme on disait tantôt, mais même si Ubisoft n'a à ce jour pas dévoilé de délai concernant cette maintenance, reste que cette situation risque de pas améliorer la réputation de l'éditeur en matière de verrou numérique beaucoup trop restrictif. Voilà. Québécois Média se lance dans les jeux vidéo. Okay. Ouais, on aime toujours parler des nouvelles de Québécois en médias. Ici, c'est fou, vous le savez. C'est au Saguenay que l'entreprise aura choisi de s'installer pour réaliser ses premiers pas dans le jeu vidéo. Le nouveau studio appelé Blue Buzz visera le marché des jeux vidéo pour tous. Donc, c'est les casual games, les jeux de matante. C'est genre Bejeweled, des cossins comme ça. Qui va sortir sur les téléphones intelligents, j'imagine? Ouais, ben sûrement. C'est ça, principalement. C'est surtout ce qu'ils font chez Blue Buzz, donc des appareils mobiles. Québécois est actionnaire majoritaire de la nouvelle entreprise qui, pour assurer sa direction, s'est adjoint les services de 8 entrepreneurs qui ont fait partie du défunt studio Wendigo, fermé au mois de juillet suite à des difficultés financières. Éric Trudel, président de Blue Buzz et ancien PDG de Wendigo, croit que le soutien de Québécois permettra au Saguenay de se tailler une place durable dans l'industrie. Bon, c'est dit. On parlait du PlayStation Network il y a quelques minutes. Le PlayStation Network est mort. Vive le Sony Entertainment Network. Hein? Ça fait très Microsoft comme façon de nommer les produits. Les joueurs auraient reçu un courriel de Sony leur apprenant que le PlayStation Network va disparaître. C'est le nom du service qui sera remplacé par Sony Entertainment Network. Donc, à la place du PSN, ce sera le SEN. Le changement qui aura lieu le 8 février, donc mercredi. Selon le courriel, il va aussi s'appliquer à celui de la PlayStation Vita, mais pas à la PlayStation Portable. Donc, la nouvelle PS Vita portable qui sort à la fin du mois va avoir un nouveau Sony Entertainment Network, mais la PSP, elle va garder le PlayStation Network. Sony affirme avoir pris cette décision afin de créer un réseau unique pour tous les produits Sony courants, que ce soit les jeux, les films, la musique, etc. Le Sony Entertainment Network vous permettra d'avoir un seul compte pour tous ces secteurs d'activité. On demande dans l'article... Si le fait d'enlever le PlayStation, le mot PlayStation va faire que le nom PlayStation dans le futur va arrêter, non, je penserais pas. Les gars, ils viennent d'appeler leur PlayStation Vita, PlayStation Vita. Non, c'est ça. Moi, je pense que c'est parce qu'ils veulent différencier le réseau de la console. Ouais, peut-être. C'est un peu comme Windows avec ses Messenger, Live, Windows, Live Mail, Windows, Live Internet Explorer, Live. Bon. Chacun son sur chaque plateforme son nom. Petite nouvelle en bref, les premiers jeux pour 3DS de Game Gear ont été dévoilés. Les premiers jeux de l'époque de la Game Gear, tu te rappelles la console de choses Sega. C'était Sega, oui. La Sega Game Gear, la grosse affaire avec une demi-heure de batterie. Mais c'était en couleur. Oui, c'était beau. C'était en couleur. C'était la première console portable en couleur, je pense. Est-ce que t'as joué pas mal à ça? Non, ben moi j'en avais pas, mais tu sais. Mon cousin en avait une solide dessus. C'était vrai, c'était cool. Ouais. Mais donc, on va pouvoir jouer maintenant à ces jeux de Game Gear sur le 3DS. C'est génial. L'organisme vient d'attribuer une cote aux jeux Shinobi et Sonic Triple Trouble pour la console portable de Nintendo. Il ne reste plus qu'à attendre les dates de parution. Toujours maintenant dans le domaine... Non, changement de domaine pour la Kinect pour Windows. On en parlait il y a quelques semaines à CNX. Microsoft a lancé cette semaine, c'était le 1er février dernier, la version Windows de Kinect partout en Amérique du Nord. On rappelle que la caméra coûte 270$ sur PC, alors qu'elle coûte 150$ sur Xbox 360. Et ça vient d'habitude avec un jeu, tu sais, pour la Xbox, mais pas pour la PC. Ouais. Microsoft espère que le périphérique sera non seulement adopté par les consommateurs individuels, peut-être, mais aussi par les compagnies. United Health Group, American Express, Mattel, Telefonica et Toyota ont déjà développé des applications Kinect. J'ai hâte de voir ce que ça va amener dans le domaine de la technologie. Et pour terminer, les jeux PlayStation Vita numériques seront moins chers de 10%. Une image prise dans un magasin Best Buy nous apprend que les versions numériques des jeux PlayStation Vita coûteront 10% moins cher que les mêmes jeux en magasin. Donc, c'est ce qu'on espérait et c'est très logique. Là. Ouais. Sony qui pousse vraiment le online sur les jeux de la Vita. Les jeux de la Vita qui, à la place d'être sur des petits disques, vont être sur des petites cartes mémoire, un petit peu comme la DS. Okay. Mais tu vas pouvoir aussi les acheter sur le store. Tu te rappelles l'ancien modèle de la PSP, le dernier modèle de la PSP? Qui est sorti quand même, ça fait pas si longtemps. C'est ça. Ben, à peu près, là, le plus récent. Je me rappelle pas exactement quand. Mais lui, c'était des, y avait aucune carte, c'était seulement en ligne. Donc, c'était le même prix que les jeux en magasin, donc ça valait pas la peine. Alors que là, la Vita qui sort à la fin février, je crois que c'est le 22, tu vas pouvoir acheter en ligne pour 10% de rabais. 10%, tu sais, moi, je pense que ça devrait être encore plus que ça, mais au moins, ça commence... C'est un bon début. C'est ça. C'est un bon début. Parce qu'ils n'ont pas de médias à fabriquer, ils n'ont pas de papier à imprimer, ils n'ont pas de shipping. Pas de shipping, c'est ça. 10%, au moins les taxes. Ouais. 15%, au moins. Et on termine avec les nouveautés en magasin cette semaine. Sur PC, on parle de... en fait, je vais sauter les PC, il y en a trop, puis on les connaît pas vraiment. Sur Xbox 360, Final Fantasy 13-2, Never Dead et Soul Calibur 5. Sur Xbox Live Arcade, Happy Action Theater et Rhythm Party. Il y a aussi The Simpsons Arcade Game. Et bien, nouveau jeu des Simpsons. Sur PlayStation 3, encore Final Fantasy, Never Dead et Soul Calibur. Sur le PlayStation Network, en ligne seulement, le Sony Entertainment Network, Puddle. Sur Nintendo WiiWare, donc en ligne seulement, Carmen Sandiego, Adventures in Math, The Great Getaway. Carmen. La chère Carmen. Sur Nintendo 3DS Pro Evolution Soccer 2012, sur le eShop en ligne seulement sur la 3DS Sakura Samurai Art of the Sword et sur DSiWare, donc sur Nintendo DSi seulement en ligne, c'est Undead Storm. Donc 21 jeux parus cette semaine. Allez voir la liste complète sur assemblagerequis.com. Et voilà pour CNX. Beaucoup trop longue chronique de récapitulatif de la fin de semaine. Ouais, c'est tout dans ça le lundi. Ben, c'est ça. Hein. C'est un peu plate, mais c'est ça. On retourne en musique, François. On va entendre une pièce que tu nous as choisie. Je sais pas si tu t'en rappelles. Ouais, Feist. Feist. Voici The Bad in Each Other au 89.1 FM. We'll be right back. êtes assez fou pour l'écouter. 89.1. Assemblage requis est présenté par le service aux étudiants de l'UQTR. Jusqu'à 9h, vous écoutez l'émission matinale en pièces détachées. Assemblage requis. Crows avec la pièce Behold the Hurricane, et que ça faisait une éternité qu'on n'avait pas entendu ça. Assemblage requis. J'ai même deux éternités. Deux éternités, et puis on sait en fait que c'est les gars de Gaslight Anthem. Ben oui. Groupe que j'affectionne particulièrement. Oh, c'est cute de voir ça. J'aime oh, ça. T'es romantique. Oh, merci. Ça fait plaisir. Voici C'est un fait. C'est un fait, c'est la chronique des choses véridiques, véritables et vérifiables. On va s'apprendre des affaires un petit peu comme ça. Commençons par Ben & Jerry, de la crème glacée Ben & Jerry, tu connais? Mm-hmm. C'est bon ça, on aime ça, on aime ça. Au départ, ils voulaient faire des bagels. OK. Mais l'équipement coûtait trop cher. OK. Donc, ils sont lancés dans la crème glacée. Ça a pas... Non, pas de bagel pour Ben & Jerry. Bon. Yep. Savais-tu que c'était le Super Bowl hier? Vraiment, tu savais ça, c'est pas un fait, ça? Ouais, non, je l'ai écouté. Ah, tu l'as écouté au complet? Mm-hmm. Ah, savais-tu que tu pouvais gager, miser sur quelle couleur de Gatorade va être dompée sur, ah ouais, pour vrai. Sur le coach? Hey, mais tu pouvais carrière. Miser sur tout. Ça n'a pas de sens. Sur quoi d'autre, mettons? Sur quoi tu pouvais miser? Des niaiseries, genre la distance entre ci pis ça, pis à quelle place ça aligne, qu'elle allait faire tel touchdown. Là. Ouais, je sais pas trop, mais en tout cas, c'est ce que j'avais entendu, là, c'est que tu pouvais vraiment miser sur un peu n'importe quoi. Là. N'importe quoi. En italien, le verbe assolare. Assolare. Qui veut dire? Veut dire passer le temps d'une façon inutile, mais plaisante. Mais agréable. Mais agréable. C'est bien ça. Comment ouais. tu dirais ça en français, mettons? Une perte de temps, le fun. Il n'y a pas de mot pour ça. Assolare. Assolare. Comment? Assolare. Assolare. A-S-O-L-A-R-E. En tout cas, je sais pas si c'est comme ça qu'on le prononce. Assolare. On pourrait l'adapter en français, tu sais. Pour, C'est assolaire, ça? C'est assolare. Pas certain. En tout cas, c'est en italien. Les étoiles de mer, oui, ont 8 yeux. Oh boy. Un œil à chaque bout de son étoile. Parce que l'étoile de mer, c'est en forme d'étoile. Ouais, chaque patte, si on veut, un œil. C'est le fun quand même à savoir ça. Mm-hmm. Un homme de Wayne, au New Jersey, a été trouvé mort un an après... a été trouvé mort, c'est-à-dire qu'il a été découvert un an après sa mort. Comprends-tu? OK. Donc, c'était en janvier, ça faisait un an qu'il était mort. C'est... Donc, la ville est même allée passer la tondeuse chez l'homme après que les voisins se soient plaints, mais il n'avait jamais regardé dans la maison. Un boy, hein? Hey boy. On se disait qu'il était plus là, qu'il n'y avait plus personne là, mais à un moment donné, juste bizarre. Regarder, ça pourrait être bien. Savais-tu que la température à laquelle l'eau est quand tu te laves les mains, c'est pas ça qui tue les bactéries? Achou, achou. C'est le savon? C'est le savon. C'est le savon. Et la façon que tu te sèches les mains, c'est ça qui est intéressant. Donc, premièrement, on nous dit que tu devrais utiliser de l'eau tiède ou chaude et du savon pour laver tes mains, bien évidemment. Il faut frotter ses mains pendant 20 secondes, mais pas en dessous de l'eau. Pas en dessous de l'eau, 20 secondes à l'extérieur de l'eau. Ah. Et ensuite, tu devrais te sécher les mains avec une serviette. Pourquoi une serviette? Pourquoi une serviette? Bonne question. Parce que les études ont montré que les machines à air, là, les ventilateurs, ouais. ça, les fans... Oui, les séchoirs à main. Les séchoirs à main avec de l'air. Ça fait que tes mains, à la fin, après t'être séché les mains, tes mains ont plus de germes et de bactéries après t'être séché les mains avec cette machine-là qu'avant de t'être lavé les mains. C'est quand même assez incroyable. Ouais, c'est bizarre, là. Mais c'est selon des études, donc c'est plusieurs études, donc c'est vrai. La température, l'eau de oui, c'est ça, la température de l'eau est jamais assez chaude pour tuer les bactéries. Ce sera jamais assez chaud à moins de te calciner les mains. De l'eau bouillante. De l'eau extrêmement bouillante, c'est ça. Par contre, du savon en dessous avec de l'eau tiède, c'est plus efficace pour enlever les huiles qu'il y a sur tes mains. Dans le fond, il y a des huiles qui sont pas bonnes, qu'il faut enlever, là, genre, de temps en temps. Okay. Et des bactéries. Donc ça enlève ça au moins, ça les enlève. Mais ça va pas les tuer. Mais bon, c'est comme ça qu'il faut se laver les mains. Donc, à l'eau tiède, chaude, en se frottant 20 secondes à l'extérieur de l'eau et ensuite t'essuyer les mains avec une serviette. Mais évidemment, lavez vos serviettes aussi. Ouais. Des jambes là-dessus aussi. C'est important. C'est ça. Il y a un exercice militaire chinois que je vais vous faire entendre à l'instant et que François, tu dois deviner c'est quoi cet exercice de l'armée chinoise. Ça n'a pas l'air si fort que ça, là, comme ça, entendu même de loin, là, mais ce que c'est, cet exercice-là, c'est qu'on se passe une grenade allumée dans les mains. Donc, c'est une vidéo que vous pouvez aller voir sur assemblagerequipe.com. C'est la People's Liberation Army of China. Ça sert à trainer, à entraîner les soldats à se débarrasser d'une grenade, faut croire. Ben, voyons, donc, les soldats prennent une grenade comme ça, avec le truc enlevé, là, qui est prêt à exploser, avec leurs deux mains. Se la passe comme une patate chaude, là, le jeu. Faut que les deux mains touchent. Les deux mains. Et la dernière personne la jette dans un trou qui est en plein milieu du cercle et tout le monde saute vers l'extérieur pour éviter l'explosion qui a lieu dans le milieu. Donc, on sait, le training militaire, c'est toujours très, très dangereux, mais ici, c'est particulier. Évidemment, il y a toujours un débat pour de gens qui disent que c'est peut-être un faux vidéo, mais le magazine le prestigieux The Atlantic a fait sa propre enquête et selon eux, selon leur recherche qu'ils ont fait, c'est vrai. Donc, vous pouvez aller voir ça sur assemblagerequis.com, la vidéo et l'article de The Atlantic. C'est assez impressionnant, ça. Ouais. Dangereux. Ouais, un petit peu. C'est à la seconde presse, cette affaire-là. Les docteurs chinois ont... agrafer presque, si on veut, la main d'une fille de 9 ans à son pied jusqu'à ce qu'il puisse réattacher sa main à son bras. Donc, c'est un tracteur qui est passé sur la petite fille de 9 ans, Ming Li. Et donc, ça a évidemment pas fait de bien à sa main. J'imagine. Son bras était en si mauvaise forme que les docteurs ont... dans le fond, ils pouvaient pas le réattacher immédiatement. Donc, pour préserver la main, ils l'ont collé à son pied avec tous les branchements nécessaires. Donc, jusqu'à temps que son bras puisse se remettre de l'accident et puis ensuite pouvoir rattacher la main. Donc, dans le fond, la main n'était pas magadée tant que ça, c'était plus son bras qui l'était. Donc, ensuite, ils ont réattaché la main à son bras et maintenant, elle peut bouger son poignet et puis sa main est rose, ce qui indique une bonne circulation. Hein. Pendant les deux prochaines années, elle va avoir deux autres chirurgies pour améliorer les fonctions de sa main et aussi pour enlever les cicatrices sur son bras et sur sa main. Donc, quand même assez impressionnant. Il faut aller voir la photo sur assemblagerequis.com de sa main branchée à son pied. C'est un peu bizarre, mais c'est ça pareil. C'est impressionnant quand même, ouais, mais la médecine. Savais-tu qu'il était possible d'être allergique à l'eau? Non. J'ai jamais entendu ça. Tu peux? C'est possible, c'est une condition rare qui s'appelle aquagénique pruritis qui cause un inconfort sévère à la peau après avoir touché à de l'eau à n'importe quelle température. Donc la condition est très très rare et ça cause des brûlures, du picotement, du chatouillement partout dans le corps. Donc les symptômes durent normalement quelques heures et ensuite disparaissent. Certains scientifiques croient que ce n'est pas une allergie, mais c'est plutôt une sensibilité de la peau aux produits chimiques qu'on ajoute à l'eau. Il y a des produits chimiques qui sont dans l'eau pour enlever certaines affaires. C'est exactement ça. Donc, des traitements existent, mais vu que les causes sont toujours incertaines, les docteurs ont la difficulté à traiter la maladie. Voilà. Une autre condition médicale, hein, c'est le domaine de la chronique d'aujourd'hui. Une condition médicale qui fait que les femmes peuvent faire des besoins. Hein, genre number c'est quoi? C'est lequel? Number 2? En tout cas, celui qui est plus intense. par leur devant, leur vagin. Oh, ouais. Ouais. Ça s'appelle recto-vaginal fistula. Ouais. C'est une connexion anormale entre le rectum et le vagin. C'est des termes médicaux ici. Si la connexion devient assez large, ça peut faire que des flatulences, ça peut arriver en fait à cause de complications lors de l'accouchement. Et sinon, de docteurs incompétents, ça dit ça ici. Ouais. Donc, ça peut être des symptômes de maladie aussi, de certaines infections, ou encore une chirurgie ratée. Voilà. Donc, vous le savez maintenant, hein? C'est super. Parlant de l'entregent, les jeans portés en dessous de la taille, vous avez peut-être entendu tout le monde, ça s'est partagé ça sur Facebook, là, la photo d'un gars qui porte ses jeans très, très, très bas. Et puis, l'explication, c'était qu'il y avait deux nains un par-dessus l'autre. Là. Vous avez tous vu cette photo-là sur Facebook? Non. Mais bref, avec tout ça, il y avait le fait que les gens propageaient le mythe que c'était quand tu portais tes pantalons bas en prison, les origines venaient de prison, selon les rumeurs. Okay. Et c'était pour montrer aux autres prisonniers que tu étais prêt à faire les choses, tu sais. OK. Oh, tu comprends ce que ça veut dire? Ouais. Ouais, j'imagine. Avec le... Donc, non, porter ses pantalons plus bas, en fait, ça a commencé en prison, oui, mais c'est parce que les criminels n'avaient pas le droit de porter de ceinture, parce qu'on avait peur qu'ils allaient se suicider avec leur ceinture ou qu'ils allaient tuer d'autres personnes. Ouais, ça a du sens, ça. Ça a plus de sens que de vouloir avoir donc, c'était popularisé dans la culture hip-hop dans les années 90 et ça représente une genre de, comment dire, attitude délinquante et évidemment un manque de respect envers l'autorité. Certaines villes du sud ont même mis ça hors la loi, si on veut. Donc, ils vont te donner une facture de 500$ si tu portes des pantalons bas. Une amende. Donc, 6 mois en prison. Aussi. 6 mois en prison. Ouais, ils sont malades. Belle passe. Ça a commencé là, tu finis là. T'sais. La prison. Ça a bien de sens. Bon, okay. Non, mais c'est ça. À un moment donné, tu peux même porter ce que tu veux. Ouais. On va juste rire de toi, mais dans ton dos, c'est pas grave. Ouais. Tu le verras pas. Voilà pour la chronique C'est un fait, François. Merci Mathieu. Décousu aujourd'hui un peu. Décousu. Décinturé. Décinturé. Il n'y a pas le droit aux ceintures. Non, bon. C'est pas de leur faute. Voilà. Merci François. Ça fait plaisir Mathieu. Ça. Plaisir. Vous êtes toujours à Assemblage requis. Il est 7h51 du matin, bien évidemment. Le soir, écoute. Plein d'entrains comme ça le soir. Quoi que c'est une des cases horaires que j'ai jamais essayé, tu sais. Le soir? 7h51 le soir, j'ai jamais fait d'émission à cette heure-là. Non. Non, j'ai tout essayé sauf ça, je pense. Alors, on écoute Malageux, ben à l'instant, voici un extrait du palmarès francophone. J'espère bien. C'est Radiologie au 89.fm. C'est fou. La pièce Radiologie sur l'album La Caverne à Assemblage requis. Maintenant, on va faire un petit peu le tour du Zone Campus. Zone Campus, offert gratuitement à l'UQTR et dans plusieurs commerces à Trois-Rivières. Zone Campus, un journal qui frappe. Zone Campus, édition du 6 au 19 février 2012, volume 7, numéro 11. C'est en kiosque maintenant, un petit peu partout à Trois-Rivières. Plusieurs, tu sais, comme le gars disait dans l'annonce qu'on vient de faire jouer. On va commencer par les actualités, pourquoi pas. En couverture, évidemment, on retrouve le carnaval étudiant 2012 qui repratique loin devant. C'est eux qui ont mené ce carnaval-là. On dit que tout le monde a trippé dans l'article de Demi Dolbecq. Ça a été quand même un beau carnaval. Oui. On l'a vécu, nous autres, un peu à l'extérieur, là, mais... Nous, on a eu du plaisir quand ça a bien malgré, été. Malgré qu'on n'était pas dans la salle et dans les activités. Sauf à C'est fou la musique, évidemment. Ouais, C'est fou la musique, on était pas mal dedans. Pas mal, là, c'est le fun. Pas mal. La nouvelle rectrice a été nommée, c'est Nadia Ghazali. Donc, on vous parle des réactions sur le campus dans un article de Claudia Bertiome. Pour en savoir plus sur elle, c'est là-dedans qu'il faut aller voir. Davantage d'étudiants se sont présentés à la journée carrière de l'UQTR qui avait lieu récemment, c'est le 25 janvier dernier, au CAPS. Le défi est rasé de Lucan dans le cadre du Carnaval étudiant 2012. Les gens sont fiers de leurs gestes. On a ramassé en deux semaines un montant de 12 200 $. À l'École internationale de français recrute, des emplois sont disponibles pour les étudiants. Oui, donc pour l'été 2012. Les étudiants reviennent bredouille au congrès de génie industriel. Et sortir les chercheurs de leur labo, on parle du colloque multidisciplinaire des cycles supérieurs. Et pour terminer, Simon Fitzbé signe son article « L'état de la souveraineté ». C'est un texte d'opinion de la part de notre ami Simon. Formidable. Du côté de... de la section société, je vais le dire. Et on a Marie-André Gauthier ici qui nous parle dans sa chronique Sans Merci du port du soutien-gorge. Du soutif. Donc, lisez ça avec attention. Marie-André Gauthier qui suscite beaucoup de réactions d'ailleurs. Elle aime ça, je pense. Oui, elle aime ça. Brassé. Et juste en bas, d'ailleurs, on a Sébastien Dulude avec sa chronique Va voir ailleurs. J'y suis qui répond. À la dernière chronique. Ouais, la dernière chronique. Pas celle qui est en haut, mais du dernier journal. D'accord. Et Sébastien, évidemment, va être à Assemblage Requis la semaine prochaine pour nous lire. Oui, c'est ça, exactement. Donc, on va l'entendre. Parfait. On va l'entendre ici, Assemblage Requis. Et puis, on a Jean-François Veilleux qui nous fait un plaidoyer d'un drogué. C'est quoi sa drogue? On dit pas tout de suite parce que... Non, c'est ça. Le but, c'est de le lire. Il y a un punch à la fin. C'est ça, exactement. Ouais, ouais. Et comme je le disais, en fait, deux textes d'opinion qui répondent à Marie-André Gauthier. Donc voilà, avec le fantasque et les jeux. Ah, les fameux jeux. Non, mais les textes d'opinion, envoyez-nous-en sur Zone Corp. Ben oui. Mais les gens répondent quand même sur le blog. Oui, il y a des commentaires sur le blog assez souvent. Vous pouvez aller voir ça d'ailleurs, visiter lezonecampus.ca. Puis, ils sont tous là. Enjoy it. En art et spectacle maintenant, la troupe universelle de danse Millennium se prépare pour leur spectacle Cinética qui aura lieu les 3 et 5 avril prochains au 10-12 Néribauchemin de l'EQTR. On parle de musique ambiante et psychédélique, un succès pour le concert Tempête qui avait lieu à la fin du mois de janvier. On revient sur quelques trucs du carnaval, dont le spectacle de Guillaume Wagner au 10-12, où il a fait, entre autres, son célèbre personnage de douchebag. Donc, c'est... Moi, ouais, les pipes, je sais pas quoi, là, j'ai entendu parler. Ouais, check mes pipes. J'ai raté ce spectacle-là au 10-12 et je vais devoir me reprendre. Faut que je vois Guillaume Wagner en spectacle, c'est trop bon. Et on revient aussi sur le spectacle de Mister Valère qui a fait vibrer le 10-12 aussi au carnaval. C'était le 24 janvier dernier. On parle du spectacle d'Alpha Rococo. On dit Énergie sans borne. Leur dernier album s'appelle Chasser le malheur. On a les soirées au coin du feu au vieux presbytère de Batiscan. Ça a commencé le 3 février dernier, donc ça va avoir lieu, ça, quoi, une fois de temps en temps, j'imagine. En tout cas, sûrement. Les Blancs se sont inclinés finalement en début de la saison hivernale de la Lime. Oui, les Blancs. Racisme. Sorti d'album, le nouvel album de Marie-Pierre Arthur et celui de Carquois aussi, Marie-Pierre Arthur, qu'on a entendu en début d'émission. C'était très, très, très bon. Et la découverte musicale du moment, c'est David Giguère. Nous aussi, on l'a découvert récemment. C'est dans Palmarès Franco. David Giguère, son album ICO, la pièce Encore. On l'entendra juste après. Ouais, juste après. On dirait que ça m'intrigue. Moi aussi. Sûr, je l'ai déjà entendu, mais je suis pas capable de mettre. D'ouest sur qui est David Giguère. Sur le bobo. David Giguère. Giguère, ouais, c'est un peu plate comme nom. Ouais, c'est un peu plate. Mais bon, si c'est bon ce qu'il fait, hein? Ça va faire avec ça. On va en faire jouer. Ben oui. Tout après. Sport! Sport! Hey, on revient justement sur une activité du carnaval qui présentait en fait les Patriotes dans un match de soccer contre les étudiants. Donc on revient un peu là-dessus. Le profil d'un patriote aussi, et on fait place à Monsieur Benoît Boutet-Marino, qui est nageur. Est-ce que t'as vu le célèbre jeu de mots dans le titre de l'article? Place à la vague, Marino. Pis c'est un gars natation, puis le nom du gars, c'est Marino. Mais Marino, il y a Marine. Oui, ben c'est bon. Moi, j'aurais dit comme un poisson dans la Marino. Comme un poisson dans la... Marine O. Du grand Mathieu Plante. Merci. On a un Mathieu Plante en forme ce matin. Okay, oui. 7h59 minutes le lundi. C'est ce que ça donne. Juste pour vous, chers auditeurs. Cadeau. Okay, bon, revenons au journal. À la page 19 des sports, on parle d'un voyage glorieux à Montréal. Première victoire pour les Patriotes. Évidemment, ici, on parle du soccer masculin. C'est bien ça? Oui, exactement. Et on parle aussi de la victoire haut la main du soccer féminin. Ça va quand même bien, je pense, au niveau du soccer. Peut-être qu'il y a Nicolas Ducharme pour nous éclaircir sur le sujet, là, mais à date, ça va quand même bien. Mm-hmm. On parle aussi de la victoire des victoires à Montréal et à Ottawa pour les Patriotes hockey. Donc, les Patriotes hockey qui s'approchent de la tête. Et on parle évidemment de la défaite en prolongation contre Concordia, où là, il y avait des spectateurs étudiants parce que c'était dans le cadre du carnaval étudiant. Donc, les associations avaient des points, je pense, pour ceux qui faisaient le plus de bruit. Je pense des points aussi pour la présence. Un des matchs où il y a eu du monde. C'est ouais, ça. C'est ça, exactement. Et c'est plate parce qu'ils ont perdu. Et en plus, c'était une grosse partie, car ça se déroulait contre Concordia. Donc, on a Maxime Bilodeau qui nous parle des Jeux olympiques modestes dans sa chronique « D'une foulée à l'autre ». On a aussi un profil de Patriote encore. Jean-Sébastien Breton, la confiance du vétéran. Évidemment, ici, on parle de Patriote hockey. Et on revient sur McGill qui a dominé un match crucial. Ça, c'était pour le premier rang. Au Patriote hockey, évidemment. Voilà. Et ça nous fait un gros journal. Gros ça. Journal, 24 pages, des belles photos, beaucoup de couleurs aussi. Donc, c'est ça, ça vaut la peine de le prendre, pour vrai. Là. Ouais. Ça vaut la peine. Ben, ça vaut toujours. Là. Toujours la peine, mais celui-là, là, vous en avez pour votre argent assez certainement. 24 pages de Zone Campus. Allez, c'est gratuit! Ben, c'est gratuit partout sur le campus de l'Université du Québec à Trois-Rivières et dans plusieurs commerces à Trois-Rivières. C'est pas dur à trouver, là. Non, vraiment pas. Et évidemment, allez partager et commenter les articles sur le blog. Exactement. Zonecampus.ca. Point .ca. Point .ca. Hein? Comme un poisson dans la marina. Oh, boy, lundi matin. Ouais, c'est ça. On écoute David Giguère. David Giguère, dont on parlait. Voici la pièce encore sur C'est fou. 89 FM. Elle est née entre l'été et l'automne. Prison de mœurs et des amours, téléphone. Et puis elle joue, et puis me déjoue, et à son jeu j'ai tout perdu. Mais moi je m'en fous car sous sa robe se cache une issue. Alors je prendrai mon temps, encore du temps. Je regarderai dehors, voir si ça se peut encore. Passer sa vie à se courber le dos dans les jardins de nos ébats. Y a un secret, en fait le tien, auquel tu tiens bien plus que moi. Et tes amants qui par milliers viennent déterrer ce que j'ai trouvé. Allez creuser, allez crever dans les sentiers de sa beauté. Alors je prendrai mon temps, encore du temps. Je regarderai dehors, voir si ça se peut encore. David Giguère, la pièce encore sur la bonne CO. C'est pas pire. Ben c'est bon, là. C'est pas pire, mais arrêtez. Ouais, c'est ça. Ouais. J'ai pas pu porter 100% mon attention à la chanson parce que Xavier est rentré. Oui, Xavier qui s'en vient tantôt avec sa chronique Tais-toi et cuisine. De quoi on parle dans ta chronique, Xavier, tantôt? Hein? Hein? On va parler santé. Santé! Hey, santé! Hey, hein? Santé, ça veut dire qu'il y en aura pas ou? Oh, ben, tu pourras avoir une tisane si tu veux. Tu pourras avoir une tisane si tu veux pas avoir du thé. Sans tisane? Non, ça marche pas dans ce cas-là. Ah, bon. Santé, santé, prospérité. En tout cas, bref. On vient avec Tais-toi cuisine tantôt. Pour l'instant, c'est l'info campus. Restez là. vous êtes assez fou pour l'écouter. 89. Le service aux étudiants de l'UQTR vous présente Assemblage requis. De retour, c'est la deuxième heure d'Assemblage requis en ce lundi 6 février 2012, 8h09, donc deuxième heure commence tard un peu. Lui, c'est François-Olivier Marchand. Lui, c'est Mathieu Blanc. Oui, et je pense qu'on va avoir une chronique debout aujourd'hui, on dirait, parce que... Ouais, je veux pas s'asseoir. Non, je m'assois. Ouais. J'ai fini de ranger mon stock, c'est tout. T'es pas assis, là? Moi, je pèse pas sur ta musique tant bon. Que... Ah, bon. Ben, lave-la, je pense que ça soit... Attention, schling! C'est les fesses qui ont parti à la musique, en tout cas. Oh, la hold this. Wow, quelle performance! Comme toujours, je donne un 10 sur 10, Xavier. Merci. Ça veut dire que je vais accéder à l'émission? Moi, je te donne 7 parce que tu faussais un peu. Moi, j'ai jamais faussé de ma vie, donc... Colin, là, franchement... Je suis capable de juger les gens quand ils faussent. Toi, c'est sûr que le petit Jérémy, la barre est haute. Hein. Aïe. Son cousin, le petit Jérémy. C'est ça. Cousin ou frère? Cousin. Cousin. Quand même pas. Bon. Relax. Donc, Xavier, aujourd'hui, on a une chronique à thématique particulière. On va parler de choses bonnes pour la santé. Hein? Ben oui, puisque je vous ai entendu parler aussi de ton s'étant fait axé phénomènes médicaux. Oui, faire des pets par le... En tout cas, bref. Ouais, j'y fais comme... On reviendra pas là-dessus. C'est bizarre, ça. Non, on reviendra pas. C'est bizarre. Mais oui, ben dans le fond, la semaine dernière, François m'avait demandé de ramener des choses pour combattre le rhume, etc. Blablabla. Bla, bla, bla. Ben, j'ai ramené tout ça. Ça va de l'air intéressant ce que je dis. Blablabla. Bla, bla. Mais aujourd'hui, j'étais ramené du rhume 911. Hey, c'est punché, hein? Mais c'est efficace aussi. Moi, ouais, j'imagine. Donc, c'est vraiment comme pour remplacer toute pommade qu'on mettrait en dessous du nez pour se décongestionner. Sauf que là, on l'ingère. C'est un sublime petit mélange de menthe poivrée, baie genévrier, eucalyptus, avec des huiles d'orange, etc. Mais c'est l'eucalyptus qui ressort vraiment. Là. Oui, c'est vraiment l'eucalyptus. Moi, je conseillerais vraiment de laisser infuser une bonne dizaine de minutes. Tant que et, ça. Ben, normalement, on dit de laisser infuser de 4 à 7 minutes. Ouais. Moi, je laisse toujours plus longtemps, plus justement, pour avoir un effet beaucoup plus prononcé, beaucoup plus rapidement aussi. Hey, tu veux-tu, je te dis un petit secret? Vas-y. Moi, je l'enlève même pas, ma poche. Ben, tu as le droit. T'es un rebelle, François. Ben, dans le fond, les tisanes ne deviennent jamais amères. Ça va juste goûter beaucoup plus fort. Ouais, c'est ça. Là, on parle d'un truc, là. Oui, ben, celui que tu as aujourd'hui en dégustation, c'est un rooibos. Donc, ça pose pas de problème non plus. OK, formidable. Moi, j'ai entendu l'autre fois à la chasse galerie quelqu'un commander un de tes Robios, là. Biorios, là. Ouais. Oh, c'est incroyable. C'est un Roybos. Oui, c'est un Roybos. Mais nous aussi, ça nous arrive au magasin. Oui, je vais prendre ton Robios. Un gros bio, s'il vous plaît. Un gros bio. Des fois, on se retient de dire ben, dans le fond, on n'a pas de Robios, mais si vous voulez, on a du Roybos. Oh, t'aurais l'air fendant de dire ça. Ça fait tellement genre condescendant. Mais non, mais des fois, c'est comme ben oui, ben quel Roybos vous voulez que je vous sers? Ouais. Comme, tu corriges subtilement. C'est ça. Ah oui, c'est comme ça que ça se dit un Roybos. Comme oui, c'est un Roybos. Ah, c'est bon, j'aime ça. Ah, voilà. Non, on n'est pas méchant avec nos clients. Mais non. On est très gentil. C'est correct qu'ils ne sachent pas. Je veux dire, la chronique est là pour ça aussi. Ben, c'est surtout que qu'on le lit pour la première fois, c'est clair qu'on est dérouté. Il y a comme beaucoup de O, beaucoup de I dedans. Ouais. C'est R-O-O-B-O-I. Il y a comme 3 O dans le même mot. C'est donc, il y a juste un I. On va te prendre un RBO, là, avec... Rock et baisse d'oreille. Un petit sac de bleu poudre, là, un petit peu. Non. Mais c'est ça. Donc, les dégustations que vous avez aujourd'hui, Calcutta curcuma pour toi, François. Ouais, c'est ce que j'ai pris. Ça sentait bon. Tu l'as bien dit tantôt. Il est ici avec moi. Ça sent les citrons et quoi d'autre? Le curcuma. Le curcuma. Ben, dans le fond, il fait partie de la nouvelle gamme ayurvédique qui a été lancée au début de l'année parce qu'on avait avant Pitta, Kapha, Shanti, Vata, que je vous avais ramené aussi. J'avais même cuisiné avec du Kapha puis du Shanti, les huiles aromatisées. Ouais. Oui, c'était des petits pains, c'est ça? Exactement. C'est bon. Et dans le fond, ces 4 ayurvédiques-là ont été discontinués dans toute la compagnie et ça a été remplacé par 4 nouveaux ayurvédiques. Donc, on a Calcutta curcuma en rooibos, on a Goa gingembre en thé vert, on a le fenouil pradesh, on a le rose mahal et on a aussi le dernier, il y a toujours un que j'oublie. Goa gingembre? Non, Goa gingembre, je l'ai dit. New Delice? New Delice, oui, avec ses graines de coriandre, graines de fenouil et graines de cumin. OK. quel excellent nom en plus pour le. Hey, c'est bon. Celle-là qui sent la pizza. C'est hallucinant. C'est le fun, hein? Mais il y a des piments. Fenouil Pradesh. Je suis pas sûr que je trouve ça si le fun que ça à 8h13. Mais je te dirais, pour les personnes qui aiment beaucoup justement les sensations de fenouil, c'est celui qui goûte le plus le fenouil. Je te dirais, New Delhi, ça va plus goûter le cumin coriandre. Fenouil Pradesh, ça goûte vraiment le fenouil. Comme par exemple, tu prépares quelque chose comme vraiment, je dirais, méditerranéen, aromatise avec un petit peu de fenouil Pradesh, il est vraiment génial. Et ça, là, t'as amené des sacs de 28 grammes. Oui. C'est ça. Il y a des plus gros sacs là, qu'on vient de découvrir, en tout cas. Oui, dans le fond, il y a vraiment tout type de format. Oui. On a les petits sacs, on a les sacs moyens, ceux, dans le fond, que j'ai emmené aujourd'hui. On a aussi ça, les c'est sacs... moyen, là? Oui, c'est là, ça. Là, on parle d'environ 50 grammes. Celui que moi, je trouvais gros, là, c'est le moyen. Ouais, moi aussi, je trouve ça quand même gros. Mais il y en a des plus gros que ça. Oui, on a des plus gros. Les sacs, comme ils arrivent chez nous en magasin, dans le fond, il y a aussi moyen de les acheter. Comment ça vaut? Ça va dépendre du sac en tant que environ. Tel. Mais je dirais pour la grande majorité, ça arrive par sac de 1 kg. Pour la grande majorité. Donc, et sachant que la grande majorité d'été vont être entre 12 et 16 dollars, donc ça va valoir entre 120 et 160. Ah, c'est vrai que certains vrai. Arrivent par sac de 500 grammes, certains 750. Ah, okay. Donc ça va vraiment dépendre de la sorte de thé et de quel thé aussi c'est dans le sac. Ouais. Parce que moi, tu vois, il y avait un spécial pendant les fêtes sur des canis genre de thé. Oui. Tarte aux pommes et gâteau. Gâteau carotte et thé citrouillé. Super bon, c'est vraiment très très très bon, mais tu ne vois jamais le fond venir. C'est comme, voyons. Ah, parce que c'est ça, t'en descends pas. Okay, est-ce que t'aimes vraiment ça, voir venir? Tu vas loin un peu, je trouve, personnellement. Non, je reste sur place, je reste sur place. C'est juste une question, Mathieu. OK. J'aime ça changger, varier. J'aime goûter différentes choses. Je trouve qu'à un moment donné, je me tente très vite de me boire. Je dirais que ces boîtes-là, c'était vraiment des boîtes cadeaux parfaites. Ouais. Genre, pour les personnes qui aimaient ces sortes-là, j'ai c'est encore ça. Mes trois boîtes sur mon frigo. Je prends une tasse de tarte aux pommes, des fois, quand je me sens un petit peu déprimé. C'est plus pour se gâter que pour boire à tous les jours. Ouais. Mais ça dure combien de temps? Mais dans les boîtes, ça reste frais facilement un bon 2 ans, je te dirais. Ah ouais, pour c'est des boîtes vraiment hermétiques. Ok, ok. Dans les sacs comme ça. Dans les sacs, un bon 1 an. Je okay. dirais, là, je quand parle. Quand même. Ben, bon. Vraiment, on a le temps de finir les sacs généralement. Ouais, c'est ça. Puis. Tu sais comment si bien. Comme pas passé date, mais si. Ben, généralement, quand tu ouvres le sac, déjà, si tu vois que l'odeur est plus présente. On sait déjà qu'il y a déjà moins. Des fois, juste à le brasser un petit peu, ça fait juste réhomogénéiser. Généralement, ce qui est sur le dessus va peut-être moins sentir que ce qui est en dessous. Si on achète des grosses quantités, par exemple, donc c'est toujours agréable comme de vraiment comme le brasser un petit peu de temps en temps. Mais rien qu'en vidant l'air au maximum avant de fermer les sacs, ça aide beaucoup. D'accord. Donc, je continue. Toi, Mathieu, tu avais pris... Hot Lips, baiser brûlant. Hot Lips. Celui à la cannelle. Hein? Oui, c'est un mélange de thé vert, de cannelle. Et c'est notre thé du mois de février en fin de compte. Celui pour la Saint-Valentin. Oh, ouais. Et exactement. Dans le fond, c'est vraiment inspiré de l'amour pour celui-là. Donc, c'est un mélange de thé vert cannelle avec des feuilles de cartame. Ah, ça goûte super bon, ça goûte vraiment la cannelle. Les petits cœurs, ça goûte les cœurs à la cannelle. Oui, oui. Ah, ça sent ça. Tu le sens pendant plusieurs secondes après avoir commencé à boire. J'aime vraiment ça. Donc pour les personnes qui sont vraiment fans de la cannelle et des cœurs à la cannelle, c'est vraiment idéal. Pas trop souvent, mettons. Je pense que pas. Je sais pas, les gommes, mettons, à cannelle, je prendrais jamais ça. Non, moi, je les aime pas non plus. Non, mais ce thé-là, je le prends quand même bien. Ouais. Et moi, qui d'habitude n'aime pas la cannelle, il y a le léger côté piquant aussi qui, justement, permet de mieux ressentir la cannelle aussi. C'est réussi. Ah, voilà, tu pourras faire remonter le commentaire au siège social, il n'y a pas de problème. Ben oui. Tu pourras dire, j'ai vraiment apprécié votre thé du mois de février. Un 800 David Steele, était David Steele. .com, .1800. C'est ça. Je sais pas. Je connais pas par cœur le numéro de service à la clientèle. Bon, je sais qu'au magasin, c'est 693-9333. Ouh, bravo. 693-9333. Il y a un bon numéro. Il y a beaucoup de 3. Le 3, c'est mon chiffre préféré en plus. Oh, vrai? Oui. Ah, c'est pour toi, ça? C'est pour 3. Pour 3. Pour 3. On est 3. Mais pour continuer dans la thématique santé, oui. J'avais aussi ramené Arme Secrète, qui apparemment n'a pas plu à François, mais qui a plu à Mathieu. Il sent très bon, mais j'arrive pas à placer. Qu'est-ce que c'est, ça? Dans le fond, c'est un thé blanc, un baïmoudan, pour être plus précis, okay. Avec des amandes, tu as des baies de goji, tu as du cacao, des écorces de cacao dans la boîte, en arrière, ici. Dans le fond, celui que tu avais senti, que tu n'étais pas sûr. Non, dans le fond, c'est probablement le mélange d'amandes et de baies de goji que tu as senti qui, apparemment, t'as pas fait accrocher. Ça faisait penser au singe vif, un peu. À cause des amandes, je te dirais. Ouais, c'est ça. Plus. Sauf que Sangevif est un petit peu plus épicé à cause du clou de girofle à l'intérieur. Non, okay. Non, ça m'allume pas du tout. Eh ben, moi, j'en achèterais de ça. Ah oh, ouais? Mm-hmm. J'irais celui-là, ce serait parfait pour préparer, je dirais, un crémage aux amandes, par exemple, pour mettre dans une tarte ou quoi que ce soit. Ça ressemble un peu à noix magique aussi, dans le même genre. Oui. Ouais. Toi, t'es vraiment fan de noix magique, toi. Ouais, ben, j'ai bien aimé, pour vrai. Ouais. Le mélange de pommes, de cannelle, d'amandes et de betterave. La betterave. Oui, il y a de la betterave qui va donner une couleur rosée. Ouais, c'est ça, exact. Oui. David, tu dis n'importe quel. Xavier, excuse-moi, pourquoi je t'appelais David. Xavier, tu demandes n'importe quel modèle de thé, tu sais, chaque ingrédient qu'il y a dedans, c'est comme une machine. Je suis dedans tous les jours, donc c'est normal que je connaisse tous les ingrédients. Oh, mais il y en a des centaines, mais bon. On a fait un décompte dernièrement, puis incluant ceux qu'on n'a pas en ce moment en magasin, parce qu'on est en rupture de stock temporaire. Je te dirais qu'on est environ à 182. Wow! Thés. Présentement, incluant la collection saisonnière. C'est quand même précis, là. Ouais. 182. Il y en a environ 182. Ouais. quand même. Mais c'est ça, mais à force d'être tout le temps dedans, c'est souvent comme 5 thés supplémentaires qui arrivent et 5 thés qui s'en vont. Donc, on a comme une belle constante. Ouais, c'est ça, vous restez à peu près à ce chiffre-là. Je dirais environ 180, 190. Je dirais que... ça dans le temps des fêtes. Non, justement, on a jamais dépassé le 200. Un jour, je suis pas fâché. Non. Mais on savait qu'on allait arriver autour de 170 thés permanents autour de cette période-là. On nous avait prévenu qu'on allait avoir beaucoup de thés sur nos tablettes. Mais je dirais que présentement, on a juste comme quelques anciens de collection automnale qui nous restent, quelques-uns de la collection été de l'an dernier, et il nous reste encore un petit peu du temps des fêtes. Il nous reste encore du douceur de Noël, chocolat et orange, mais on n'a plus de secret du Père Noël, et on n'a plus de joyeux lutin. Oh, là, il est un peu tel. C'est ça, mais j'étais passé sur le magasin de la rue Saint-Jean cette fin de semaine. Ça, c'était où, à Québec? Oui, et ils avaient encore du joyeux lutin. Ah ouais? Et je fais comme, non, je suis correct, j'ai encore du stock, j'ai eu le temps chez moi. Donc, c'est ça, des fois, passer dans d'autres magasins, il y a souvent des thés qu'eux, ils ont par Internet, nous, non? Oui, généralement, sur Internet, il y a des stocks qui gardent justement pour les commandes sur Internet. Et, mais des fois, il y a des thés aussi exclusifs à Internet. Je pense aussi à, je vous en ai parlé, je pense, fleur de cerisier, flamant rose. Ouais, ça me dit quelque chose. Moi aussi, mais je suis plus sûr. Ok, dans le fond, ces deux-là sont des exclusifs internet avec crumble fraise rhubarbe, eau de marécage. Eau de marécage, waouh! Et c'était super bon. Ça me donne le goût. Mais j'avais checké dernièrement, puis même c'était là, était en rupture de stock sur cet internet. Donc je pense qu'ils ont été vraiment populaires, le fait que c'était vraiment des exclusivités web. Moi, je les aimais vraiment beaucoup. Non? Puis la semaine prochaine, je pense que je vais vous cuisiner de quoi à base de. Avec la nouvelle gamme d'ayurvédique. Je pense que je vais vous cuisiner de quoi avec pas Calcutta curcuma, mais probablement avec New Delice. Le mélange. New Delice, ça c'est la pizza là. Tu vas nous faire une pizza? Ouais, coriandre, coriandre, cumin, puis fenouil. C'est pas mal une pizza avec ça dessus par contre. Une pizza dans la sauce, tu dois avoir ça, sérieux. Déjà dans la pâte à pizza, tu peux intégrer quelque chose. Donc, normalement, pour faire une pâte à pizza, tu mets de l'eau. Là où tu peux aromatiser l'eau à quelque chose déjà. Donc la pâte est déjà parfumée. J'avoue. Ouais. Et après, dans la sauce tomate, tu peux ajouter aussi autre chose. Et même dans autre chose après, genre dans ce que tu vas mettre à l'intérieur, sur l'huile que tu vas verser dessus si tu veux faire une huile épicée. Hop là. T'es pas juste beau, t'es intelligent. Allez, que les compliments. Ah, France, quand même. Me jette pas des fleurs. J'attends un petit. Je devrais attendre un petit bouquet de fleurs d'ici le 14 février, moi. Oh, en vrai? Je vais en envoyer un aussi, là. Et le 14, ça tombe mardi, c'est dommage. Ok, je ramènerai un pour vous. Ouais, je le dis. Des fleurs mangeables à savoir de thé. Des fleurs mangeables. Fleurs mangeables, oui. À saveur de thé? Non. Fleurs mangeables que tu peux mettre dans un thé puis ça rajoute de la saveur. Mais accessoirement, je pourrais très bien comme t'acheter des fleurs mangeables puis les saupoudrer de matcha. Ah oui! Moi, je trouve pas tant que ça tout ce qui a le qualificatif mangeable. Je trouve pas ça mangeable. T'es dommage fermé l'esprit. Non, Mado. Je suis désolé, mais tout peut se manger. Il y a juste moi qui suis indigeste. Ah non, mais peut-être. Écoute, c'est bon. Non. Non. Moi, je dis que tout peut être mangeable, ça dépend tout de la résistance de l'estomac. Ouais, c'est ça. Wow, et hein? ton degré d'absorption. C'est ça. Mais après, dépendamment de votre organisme, comment il réagira, demandez conseil à votre médecin en espérant que celui-ci ne fasse pas d'erreur de chirurgie ou quoi que ce soit. J'ai oublié les ciseaux, là. Ouais, je sens. Ouais. Enfin, certaines personnes qui se retrouvaient avec des compresses de gaz dans gomme. Ils ont eu des opérations et ils avaient encore des compresses de gaz à l'intérieur des choses refermées. Oh, ridicule. Et ils s'en sont rendus compte que des mois plus tard. Fou, hein? Dégueulasse. Ouais. Bref. Mais c'est ça, ceci met pas mal fin à notre. Non, j'ai pas parlé d'antirhume de Gaël. C'est vrai. Oh, ben, Caroline, c'est lequel, ça? C'est un thé vert avec citronnelle, gingembre à l'intérieur. Je l'aime vraiment beaucoup aussi. Puis c'est le moyen de garder un système immunitaire opérationnel à longueur d'année, puisqu'il fait partie de la collection permanente à $14 le 100 grammes. Et arme secrète dont j'avais parlé est à $23 le 100 grammes. C'est un thé blanc, donc il est un peu plus dispendieux. Ok, parfait. Voilà, c'est tout. Et ceci met fin à notre chronique Tais-toi cuisine optique santé aujourd'hui. Et avant de consulter un médecin avant de consommer un Xavier Antoir, si les effets durent plus de 8 heures, c'est comme les annonces de Viagra. Et consultez votre médecin. Ouais. Moi, je dirais consulter votre médecin avant de m'ingérer parce que, à ce qui paraît, je tombe pas mal vite sur l'estomac. Ah oui? Ouais. On stane vite, hein? Ouais. Tu vois. Mal au me dis pas que tu veux tester parce que je dirais non. Ça va aller. Ça va. Je vais me retenir cette fois-ci. Merci Xavier Antoir. Ça fait plaisir. À lundi prochain, 8h, avec tout plein d'autres insinuations. Ouais. Oh, oh il danse. Ce matin. On a droit à tout, hein, les lundis matin. Ah, oh, vraiment. On revient tantôt avec Nicolas Ducharme et sa chronique sport. Ducharme et du sport, il va nous parler du Super Bowl. En tout cas, il n'y aura pas le choix de nous en parler. Parce que tu vas le... Talonné, ouais, m'a frappé. Ah ouais? Bon. Eh ben, super. Alors écoute, la pièce Connor Rule de Pac 80 89 FM. Tomb. Vous êtes assez fou pour l'écouter. 89. Ah. Assemblage requis est présenté par le service aux étudiants de l'UQTR. Assemblage requis en pièces. Détaché, Mathieu, Plante, François, Olivier, Marchand. That's why I'm always coming back to you. You fell silent like a dying star, then grew distant like a cosmonaut. Your eyes glossed over like an autumn frost. Your love is absent as our parents gone. Library Voices, normalement on entend la pièce Reluctant Readers Make Reluctant Lovers qui est sur le palmarès anglophone, mais ça c'était un autre extrait, c'était Be My Julia Greco Paris 1949. Top Bowat. Hein? C'était comme chinois. Les noms sont longs sur leur album. Ah, c'est fou, hein? Ouais, quelque chose qui est long, c'est une partie de football, mettons. Ouais. C'est ben, ça? Pas si long. Pas si long que ça? Celle d'hier a passé très vite. Bon, ben j'essaie de faire un lien, il marche pas. Hein? C'est la chronique du charme et du sport avec Nicolas Ducharme de l'Écho de Trois-Rivières. Bon matin, Nicolas Ducharme. Hey, bon matin, messieurs. Ben, ça va? Ta voix sonne profonde un peu, elle sonne lointaine. Elle sonne lointaine? T'as l'air par téléphone, je pense. Ah, oui, elle essaie de faire le studio, là. Non, c'est ça, c'est rare qu'on te parle par téléphone, mais faut bien. On m'entend bien quand même? Superbe. Ouais. Ah, parfait, parfait. C'est plat, ouais, elle essaie de. Ce matin, je suis par téléphone, à défaut d'être en studio avec vous. Mais comment ça, non? Ah, ben, écoutez, je vais être très frais, là. Je suis en vacances, donc on n'était pas prêt à se lever ce matin là, pour se rendre en studio. Là. Ouais. Mais c'est donc pas le Super Bowl, le gros party, la grosse débandade de nourriture et de pizza fait maison. Écoutez, en tant que partisan, je vais l'avouer, le partisan des Patriots de la Nouvelle-Angleterre ce matin, c'est difficile. Ouais, c'est pas facile. C'est, comme toute la région de Boston ce matin, là, on l'a difficile. Là. Parce que, bon, du côté des Patriots hier, on est passé bien près, mais encore une fois, là, les Giants de New York qui ont eu le dessus sur les Patriots de la Nouvelle-Angleterre, un score de 20-27. Tout un match de football, messieurs, là, vraiment, on s'est échangé l'avance du côté des deux équipes. C'était un excellent match de football. Je pense que lorsque tu veux vendre un sport, lorsque tu veux démontrer c'est quoi un sport de qualité, je pense que les deux équipes ont été servies hier. Ouais, et c'est ça. En fait, quand tu écoutais la partie, tu étais obligé de l'écouter jusqu'au bout et ça s'est terminé dans les dernières secondes avec la méga bombe lancée un peu ouais, comment je pourrais dire, au pif. Le fameux Hail Mary qu'on appelle. Ouais, c'est ça, exactement. La fameuse bombe dans la zone des buts. Effectivement, croisé les doigts. C'était vraiment là, jusqu'au bout là, et du côté des Patriots, on est passé très près. D'ailleurs, Rob Gronkowski là, sur ce Hail Mary, là, cette bombe là, qui est passée bien près d'attraper le rebond. Il en manquait vraiment pas beaucoup. Et bon, ce qui était comment expliquer là, cette défaite des Patriots. Tout d'abord, là, dès le début du match, là, la première possession des Patriots, on a accordé un toucher de sûreté Tom Brady, dans la zone des buts, essaie de se débarrasser du ballon. C'est quelque chose que lorsque tu as les deux pieds dans la zone des buts, tu ne peux pas faire. Si tu es dans ce qu'on considère comme la pochette protectrice en arrière du carrière. Et ça a donné deux points. Écoutez, ça a fini 21-17, donc c'est peut-être ces deux points-là qui sont venus jouer... qui ont joué le match des Patriots, parce qu'après ça, bon, on aurait bien pu tenter ce qu'on appelle un placement au lieu de tenter de toucher à la fin. Ça n'a pas été le cas, donc ça a joué. Mais ça n'a vraiment pas été une game de carrière. Là. Les deux ont fait du bon travail. Par contre, il n'y en a pas un qui a connu un match de rêve comme certains ont déjà connu. Non, c'est ça. Je m'attendais aussi... tu sais, c'est comme, tu t'attends quand même à la grosse bombe de quoi, quand même explosif. Ça s'est pas vraiment passé. Je sais que les Giants ont réussi un bel attrapé là, vers la fin. Là. C'est ce qui a changé l'allure du match, d'ailleurs. Ouais, ben écoute, on s'attendait. C'est deux défensives qui sont affreuses. Ouais, quand même, hein? Ben non, mais qui cette saison a été affreuse dans tout ce qui était contre la passe. On parle de la 31e et de la 29e défensive dans la Ligue contre la passe. 29e, c'est les Giants, 31e, les Patriots. Mais la défensive a fait un bon travail. J'ai bien marqué, j'ai bien aimé la performance de Sterling Moore chez les Patriots qui a été de très bons plaqués et qui a joué un bon match en défensive. Mais écoute, c'est ça, comme je dis, c'était une game étonnamment de défensive. On a souvent été... C'était quelques séquences à l'attaque là, qui ont permis de faire les toucher, mais ça jamais on a eu des comment dire, on a trouvé un momentum du côté des deux équipes, un momentum d'attaque qui nous permettait de se rendre profondément en zone de façon chronique. Là. C'était un bon jeu de défensive. Écoute, chez les Giants, là, par la passe, il faut souligner là, Hakeem Nicks là, qui était dominant là, chez les Giants. On parle du côté de Nicks, là, de statistiques, je vous donne ça. 109 verges par la passe, 10 réceptions, donc une moyenne de 19 verges par la passe dans ce match-là, c'était excellent. Ça chimait avec Eli Manning, a probablement été l'histoire du match. C'est ce qui a permis du côté des Giants de l'emporter. 30-40 pour Eli Manning dans ce match-là, 296 verges. Tom Brady a pas mal fait, 27-41, 276 verges. Mais une longue interception là, qui a pas coûté cher, vu qu'elle était profonde en défensive, là, mais... profonde dans la zone. C'est le temps qui a manqué. Comment? C'est le temps qui a manqué. Oui, si on veut, on peut dire que c'est le temps qui a manqué, mais je crois que du côté des Patriots, c'est justement ça, c'est la difficulté de trouver un momentum à l'attaque qui aura coûté cher. Faut dire que la cible préférée de Tom Brady, Rob Gronkowski, n'a pas eu son mot à dire dans ce match. On le savait qu'il était blessé à la cheville. Donc il était souvent absent, il était ramené sur la dernière séquence, comme vous disiez, toute cette bombe-là a même failli sauver la mise en l'attrapant en zone des buts. Mais écoute, j'ai l'impression que s'il aurait été à 100%, ça aurait pu être très différent. Comme je dis, Gronkowski a été le pain et le beurre de Brady cette année. C'est un carrière, c'est un receveur, c'est un demi-inséré, c'est un tight end qui tout le match, là, toute la saison, c'était sa force d'aller chercher des gains de 8 verges avec une passe qui est très haute, là, qui donne quelques verges, mais c'est ces petites choses-là qui font que la ces petites choses-là qui sont la force des Patriots cette année. Et bon, ben c'est des passes qui vont tuer une défensive parce que tu fais des gains courts, mais à répétition, donc tu fatigues une défensive. Ce qu'il n'y a pas eu du côté des Giants hier, la défensive a assuré hier. Puis je vous dirais là, que c'était un match d'échange de ballon. Il n'y a pas personne qui a commis des erreurs majeures. Là, les Patriots on aurait pu l'emporter, effectivement, mais encore une fois, félicitations à Eli Manning aux Giants de New York qui remporte un deuxième Super Bowl en 4 ans. Eli Manning, d'ailleurs, qui a gagné la Corvette, la fameuse Corvette. Ouais, qui a gagné la Corvette, là, je ne sais pas qui va sûrement en faire un don. Il doit déjà en avoir 3-4 Corvettes, Eli Manning, là, ça va être fait. Là, donc, ouais, une belle Corvette noire là, qui a remporté hier Eli Manning. Parfait. Et écoutez, c'est pas mal ça pour le Super Bowl, je vous dirais. C'est excellent. Bref, ça conclut là, la saison de football de la NFL. Préparez-vous, ça recommence quand même rapidement la NFL à la fin septembre. Il va y avoir le repêchage avant ça. Donc, c'est ça. Hey, je vais vous parler un petit peu des publicités. Deux publicités que j'ai obtenues. Moi, j'ai été chanceux, comme je vous avais dit la semaine dernière. Là, j'ai pu... on a installé un système dans mon salon, là, et plugger le laptop, et bon, on est capable d'aller chercher l'image américaine par Internet. Deux publicités que j'ai retenues que ça vaut la peine d'aller chercher sur Internet. Une publicité de Audi, avec des vampires. Ben oui. À la Twilight, un peu. Écoutez, je vous dis pas ce qui se passe, là, mais, dites-vous que ça vaut la peine, mais je veux pas dire le punch, hein. C'est plus difficile de dire le punch un peu lorsqu'on... Allez voir ça sur YouTube, comment ça se trouve là. On veut pas dire le punch, mais... Excuse-moi. Comment? On veut pas dire le punch, mais en même temps, ce qui est plate, parce que c'est parfait d'avoir regardé les publicités en ligne en même temps que le match, je trouve que c'est la meilleure façon de le faire, mais ce qui est plate, c'est que la plupart de ces pubs-là étaient déjà sortis sur Internet des 2, 3, 4 jours, une semaine avant le match. Je comprendrai jamais ce principe-là. Je comprends pas. Ouais, ben je te donne raison, Mathieu. En effet, moi aussi, il fut une époque où les publicités se retrouvaient le lendemain sur Internet. Et c'était comme Top Secret. À l'époque, c'était Top Secret. Tu l'avais dans le match en premier, puis le lendemain sur Internet. C'est ça, exactement. Et tu payes ça tellement cher la seconde. C'est ça. Là, moi, j'ai même pas regardé le match. D'habitude, je le regarderais pour les publicités comme toi sur Internet, mais là, je l'ai pas fait. J'avais l'impression d'avoir tout déjà vu. Ah ouais, ben, est-ce que toutes les publicités se retrouvaient sur Internet ou seulement quelques-unes selon le choix de la compagnie? Seulement quelques-unes, mais je te dirais, moi, en tout cas, j'ai l'impression au moins à moitié. Parce que ça, Audi, j'avais vu Volkswagen avec l'histoire des chiens Star Wars. L'autre, en tout cas, un paquet que là, je me rappelle plus comme ça vite de même, mais je l'ai vu trop, je trouve, par rapport à l'engouement que ça devait créer autour du match, de regarder le match pour les pubs, t'sais. En tout cas, question personnelle. Écoute, je te donne raison. Mais c'est ça, la publicité d'Audi, allez voir ça sur Internet, c'est excellent, et la publicité de Acura avec Jerry Seinfeld, qui est excellente aussi, là. Je ne sais pas si tu l'avais vu, Mathieu. Non, pas celle-là. Moi, celle-là, ça en est une qui est bien, puis je suis certain qu'elle se retrouve sur Internet. Ah, j'avais vu celle avec Matthew McConaughey là, de Ferris Bueller, là, le 3 minutes au complet, genre, avait été passé sur Internet. Ouais, Matthew McConaughey, comme avec Matthew Broderick. Matthew Broderick, excuse-moi, c'est ça. Je l'ai pas aimé. Ben, c'est, moi, ceux qui ont pas vu le film, il me semble, doivent pas comprendre pantoute, là. C'est vraiment comme j'ai un inside. J'ai vu le film, puis justement, on dirait qu'il l'avait tellement... il avait tellement créé une... il l'avait hypé, là, j'ai fait comme... avec un preview et tout, il avait comme dit, hey, ça va être... Ferris Bueller va revenir, il y avait comme un petit 15 secondes qui avait été montré de ça quelques semaines avant. Là, ça a comme créé une grosse affaire, puis là, soudainement, la pub de 3 minutes, c'est juste le gars en train de niaiser dans des manèges, tu sais, wow. Ouais, non, c'est ça, j'ai pas apprécié cette publicité-là, plus qu'il faut, la preuve, j'avais même de la misère à me rappeler c'était quoi le... Le produit, mais là, je m'en souviens, c'était Honda, c'était pour leur CRV, leur camionnette, là, qu'on a fait ces publicités-là. Mais j'ai beaucoup aimé ça de NSX, là, de la NSX de chez Acura. Jerry Seinfeld qui fait tout pour réussir à avoir droit à la première NSX. Il est deuxième dans la ligne, Jerry. Bon, ben, il veut pas, il veut la première, donc finalement, il réussit à l'avoir. C'est ce qu'il pense, mais Jeleno arrive et lui vole ça à la dernière seconde, donc... Ça vaut la peine là, du Jeleno aussi. Jeleno, toi qui es un amateur de Conor O'Brien, je pense qu'on sait que Jeleno n'est pas à son premier vol, donc c'est bien joué de ta part là, de rire un peu de ça. Là. Excellent, je vais aller l'avoir ce soir. Donc, c'était les deux publicités qui ont retenu mon attention. On va changer de sujet, mais si on va parler du Canadien de Montréal maintenant. Grosse victoire. Le slogan du Canadien, là, c'était « S'élever ensemble ». Ça aurait peut-être dû être « S'écraser ensemble ». On a encore subi une défaite cette fin de semaine par la marque de 3-0. C'était deux matchs disputés en fin de semaine, en après-midi. Comme on le sait, c'est la tradition là, du côté du Canadien. Là, on dispute deux matchs en après-midi avant le Super Bowl le samedi et le dimanche, puis bon, aussi le samedi. Défaite de 3-0 le samedi là, par le Canadien contre les Capitals de Washington. Weidman, Hendricks et Semin, les buteurs du côté de Washington. Écoutez, ça a vraiment pas été un facteur. L'attaque, la défensive, on a très mal joué là, du côté du Canadien. Il n'y a pas grand-chose à dire, même si on a plus de tirs au filet que Washington, ça faisait 30 contre 23. Ça n'a pas été un excellent match, c'était pas des tirs. Il n'y avait pas beaucoup de chances de marquer. Du côté de Vaucoun, on a fait le travail amplement là, du côté de Washington. C'est le deuxième match de suite, si je me trompe pas, que les Capitals l'emportent contre le Canadien. Alors que les Canadiens dominent au niveau du chapitre des lancers. Il me semble qu'on avait seulement tiré 17 fois la dernière fois contre Carey Price. Donc, les Capitals semblent avoir la touche. Ils l'ont facile un petit peu contre les Canadiens cette année. Et hier, c'est une victoire de 3-0 par contre du Canadien. Donc, on a rebondi un petit peu. Ce qui fait qu'on se rapproche de la dernière position, mais on réussit à pas l'être totalement. Le 3-0 du Canadien contre les Jets de Winnipeg. Les Jets, ça commence à paraître là, que leur calendrier, j'en avais parlé au début de la saison, mais j'étais pas mal certain que on allait manquer de jus éventuellement. Bon, on se bat pour une place dans les séries. Et on fait beaucoup, beaucoup, beaucoup d'avions du côté, bien évidemment, du côté des Jets, parce qu'on joue à Winnipeg, mais on joue dans la section sud-est. C'est-à-dire que lorsque les Jets sont venus dans la Ligue nationale, on a pas cru bon du côté des nationales de réaligner les conférences immédiatement. Donc ça paraît de plus en plus pour les Jets là, qui, comme je dis, là, sont maintenant à 6 points d'une participation en série. Donc ça regarde mal Toronto là qui. Les Maple Leafs de Toronto qui se dirigent vers une place en série. Faut croire qu'après des années d'être mauvais, ça va finir par payer. On va l'avoir, on est sur le bord là, du côté des Maple Leafs. Bon, on se bat justement contre Washington, donc ça n'a pas dû faire leur plaisir de voir le Canadien s'écraser là, contre eux cette semaine. Pour ceux qui se le demandent, Scott Gomez n'a pas marqué non. hier. Elles sont passées proches, par exemple. Ils sont allés à la reprise vidéo. Ça a passé très très proche, un tir de Plakanec là qui on croyait qu'il avait dévié. Oh, ben on espérait. On croyait pas, mais on espérait. On espérait que ça venait bien les jeunes Scott Gomez. Heureusement, ça a marqué Scott Gomez, mais finalement, non, là, les gens qui craignent la théorie du complot, on fait une similitude entre la trajectoire de la balle de JFK et la trajectoire du tir de Thomas Plekanec. Faut pas que ça touche Scott Gomez. Non, mais belle victoire du Canadien hier. Gomez, même dans les dernières minutes, là, le but était désert du côté des Jets. Ouais. Ça l'a envoyé, peut-être briser ça, mais ça n'a pas. Du côté de Randy Cunningworth, on n'a pas pris la décision d'envoyer Scott Gomez. Ce qui est compréhensible, quand même, on veut protéger le blanchissage de Carey Price. Puis la façon où joue Scott Gomez cette année, c'est pas tout à fait l'homme envoyé dans cette situation-là. Ouais, non, Comment ça pour le Canadien, là, on est présentement à 14e position dans l'Est, à égalité avec les Hurricanes de la Caroline, un match en main, par contre, pour le Canadien. Donc, on se rapproche de plus en plus de la cave. Mais c'est ça, là, en même temps, je pense que c'est ça qu'il faut viser, là. Ben, écoute, c'est la stratégie. C'est peut-être à dire, mais c'est la stratégie. C'est encore beaucoup de matchs de hockey à jouer. C'est spirale tout un peu pénible. Reste encore 29 matchs à jouer du côté du Canadien. OK, ouais. Ouais, c'est ça. C'est, donc, c'est... On en a pour longtemps à être mauvais, là, tu comprends? Si on décide d'être très mauvais, on va l'être pendant longtemps. C'est ce qu'il faut prendre en considération. Les partisans du Canadien sont pas les gens les plus patients, mais je m'attends à une vente de feu un peu du côté du Canadien. Logiquement, là, la période des transactions devrait arriver, là, va arriver, c'est au début de la dernière de février, je crois, donc c'est à la fin du mois, si je me trompe pas. Donc, du côté du Canadien, là, je m'attends à avoir quelques noms partir, mais bon, en même temps, il n'y a pas beaucoup de bois mort à échanger du côté du Canadien, à moins qu'on décide vraiment d'entrer dans le noyau et échanger un Plekanec ou quelque chose. Mais non, on rachète Gomez, ça, c'est sûr. Ouais, ça va être cet été qu'on risque de racheter Gomez. Si on garde Gomez du côté du Canadien, c'est qu'on a vraiment, mais vraiment pas d'orgueil. Parce qu'avec les performances qu'ils ont offert cette année, ils ne méritent pas vraiment là, de se retrouver dans un club de hockey de la Ligue nationale. Mériterait, mais pas à ce salaire-là. Ben non, il joue mal. Excuse, mais la performance de Scott Gomez cette année, là, moins en une trentaine de matchs, là, c'est pas une force. Scott Gomez, c'est pas un goon. C'est pas un spécialiste de la défensive. Donc, à partir de là, ce que tu es supposé d'apporter à une équipe, tu ne l'apportes pas. Puis les performances qu'il donne, ben, c'est des performances qui sont dignes de quelqu'un qui joue dans la Ligue américaine et non pas dans la Ligue nationale de hockey. Donc, si tu me demandes, est-ce qu'il, même à 500 000 piastres, personnellement, je ne le prends pas dans mon équipe. Donc, c'est pas mal ça. Et en terminant, ben, je vais vous parler de quelques autres pointages de fin de semaine. On s'en vient ici à Trois-Rivières, messieurs, les Patriotes des Coutières, qui est en action cette fin de semaine. Vendredi, du côté de l'Arena, Jérôme Côtenoir, une victoire des Patriotes 3-0 sur les Golden Girls de Queens. Cette victoire-là, là, ça permet pas mal aux Patriotes de garantir le deuxième rang au classement aux Patriotes. Ça fait du bien. À toute fin bref, là, à moins de... Techniquement, le NPC pourrait les remonter, mais au niveau victoire, parce qu'il reste seulement deux matchs à la saison des Patriots et des Lakers, les Patriots auraient plus de victoires, donc logiquement, ça fait les Patriots qui sont garantis de terminer deuxième. À contrario, l'équipe qui est présentement en septième position, ça va jouer, c'est très serré, entre Queens, Carlton. Écoute, faut donner ça à la OUA cette année, là, les équipes pour faire les séries, là, entre la quatrième position, c'est-à-dire le Varsity Blues de Toronto, on est 31 points, et la neuvième position, Ryerson, a 27 points. Donc, il y a 4 points entre la quatrième position et la neuvième position. Tout le monde peut faire les séries du côté de la OUA, mis à part les RMC, là, les Paladins, là, qui ont seulement 8 points cette année, là, donc... ça continue, c'est pas nouveau. Alors, dans cette défaite-là, par exemple, dans cette victoire-là des Patriotes, ça a été coûteux. Alexandre Demers et Flix de François qui ont été blessés dans le code de l'an. C'est une commotion durement frappée en plein centre de la glace dès le départ du match. N'est pas revenu. Flix de François, dans son cas, on parle d'un claquage. Donc, grosse perte du côté des Patriotes là, dans ce match-là. Étonnant, messieurs. Bon, à l'aréna Jérôme Côtenoir, vous savez, c'est pas très grand comme aréna, là. Avec quand même 430 personnes. Donc, quand même. Excellente foule. C'est sûr que c'était le dernier match des Patriotes à domicile avant les séries éliminatoires. Mais, très, très bonne foule. Très impressionnant. Il y avait quand même une ambiance. C'est sûr que, bon, c'est un plus petit aréna, donc les gens sont plus tassés. Et parmi cette foule-là, David Desharnais, le Canadien de Montréal, qui était là. Il est venu voir son ami Alexandre Demers, capitaine des Patriotes. Les deux gars, c'est deux gars originaires de Laurier Station, donc deux amis là, qui évoluent ensemble depuis les rangs mineurs. Et bon, les gens, ben, ça a été un peu la pression, beaucoup, on voulait aller prendre des photos, tout ça. Heureusement pour lui, on n'a pas vu Alexandre Demers longtemps, comme j'ai dit, a été victime d'une blessure. Donc, sur les Cataractes, en fin de semaine, on dit deux matchs aussi, victoire facile. Et on a écrasé les Foreurs de Val d'Or vendredi, un pointage de 8-1. 49 tirs au Shawinigan contre les gardiens de but. François Tremblay et Alexandre Saint-Arnaud. Du côté des Cataractes, la belle performance d'Alexandre Dubois. Alex Dubois, plutôt, là, 18 arrêts, là. 19 arrêts, non, 19 arrêts, oui, exactement. 19 tirs, 18 arrêts, voilà, je l'ai. Et notez la performance de Jonathan Arbonne, 3 passes. Et de Michael Chaput, 2 buts, 1 passe. Le lendemain, par contre, on affrontait les puissants Sea Dogs de Saint-Jean. Donc, une rencontre au sommet dans la Ligue d'Hockey Junior du Québec. Les Sea Dogs ont apporté 2-1 sur les Cataractes de Shawinigan. Donc, encore une fois, c'était la troisième manche entre les deux équipes. on a connu... c'était le match de St. John cette fois-ci. Et à noter dans ce match-là, là, Brendan Gormley qui a été coupé au cou par un patin. OK. Donc, dangereux ou ça pissait ça... Non, ben, on l'a pas vraiment vu. Gormley est sorti de la patinoire. Ça allait échapper pas mal tout le monde. Okay. Mais il a été coupé. Donc, fort heureusement, c'est pas une blessure qui est grave. Là, on s'est fait rassurant, mais... Okay. On a dû quitter le centre Dionès en ambulance. Oh, quand même. Oui, ben c'est ça. C'est une situation qui est toujours inquiétante. Et on a aussi perdu les services de Kirill Kabanov, qui a subi une commotion cérébrale après avoir reçu un violent coup à la tête. Donc, deux grosses pertes là, pour les Gataraks. On va espérer pour eux que ces forces-là vont revenir rapidement au travail. Oui, c'est ça, exactement. C'est deux joueurs très importants. Donc, au classement, la Ligue d'Hockey Junior Major du Québec, ce matin, les Cataractes sont au deuxième rang avec 75 points. Les Seabus de Saint-John occupent la première position avec leur victoire contre les Cataractes. Et en terminant, messieurs, du côté du Coronguay, très mauvaise fin de semaine. On a subi deux défaites. Premièrement, vendredi à Trois-Rivières, on s'est écrasé contre le 3L de Rivière-du-Loup. On dominait la partie 4-0. Et du côté du Coronguay, on est tombé dans le piège. On s'est fait remonter et on l'a emporté 5-4 du côté de Rivière-du-Loup. Donc, certainement pas le match qu'on voulait avoir là, pour le Coronguay ou la troupe de Carl Fleury. Faut dire qu'il manquait les trois meilleurs défenseurs du côté du Coronguay, c'est-à-dire Louis-Philippe Lacroix, Maxime Desruisseaux et Pierre-Olivier Boyeux. Ça n'a pas aidé. Et bien évidemment, le lendemain, contre les Marquis du Saguenay, la puissance, la meilleure équipe, là, quant à moi, là, de la Ligue nord-américaine de hockey, on a perdu 5-2 du côté du Coronguay. Bon, encore là, il manquait de joueurs, donc ça n'a pas été le résultat qu'on s'attendait. Pas mal ça, messieurs, du côté des sports cette fin de semaine. Là, ça résume pas mal toutes les activités qui se sont déroulées. Une grosse fin de semaine. Ouais, effectivement. Ben, écoute, le Super Bowl a vraiment retenu l'attention. Ouais, tout à fait. C'est faux, là, mais... en effet, il y avait d'autres choses, mais... on va être plus à la petite football, là, on s'ennuie. Ah. Ça recommence quand, ça? Ouais, ben, tu veux-tu parler de la CFL ou de la NFL? Ouais, non, la CFL. L'important, là. La CFL, c'est... La CFL, ouais, quand même, bientôt. La NFL, ça va recommencer probablement en septembre environ. Du côté de la CFL, c'est tout le temps le premier... Le 1er juillet, à la fête du Canada, environ, normalement, on a un premier match. Okay. Et l'Impact aussi, qui commence, je pense? L'Impact, ça vient, effectivement, le 18 mars, le premier match de l'Impact. Mais là, on est en camp d'entraînement. Là. C'est le temps d'apprendre à connaître les gars, d'apprendre à connaître les joueurs. Comme ça, les gens qui vont aller encourager, on va peut-être l'air moins l'air d'inculte. On disait qu'il y avait déjà 26 000 billets vendus pour le premier match au Stade olympique. Je ne sais pas si ça va être plein. On espère avoir une excellente poule. C'est plein comme c'était contre l'AC Milan. Ouais. Il y a quelques années. Mais écoute, ce serait un record pour la MLS. Donc, ce serait une excellente entrée pour l'équipe dans la Major Soccer League. Formidable. Et tu vas y assister, hein, je pense. Comment? Tu vas y assister? Oui, je vais aller voir ça. J'ai très hâte. Je vais vous ramener, des nouvelles de cela. Là, j'ai très hâte d'aller voir ça. Là, du soccer. Je suis pas un expert, comme beaucoup de gens qui vont se déplacer pour aller voir. Moi, mon impression, c'est qu'on n'est pas des experts absolument pas au Québec. Il y en a, mais s'il y a 55 000 personnes dans la cabane, dans le bégot, c'est clair qu'il va y en avoir plusieurs qui sont pas des experts. Je pense que ça vaut la peine de donner une chance aux coureurs dans le cas d'Impact. Il y en a qui vont peut-être découvrir une passion là, après quelques visites au stade Saputo. Exactement, et d'apprécier le spectacle. Oui, exactement. Merci, Nick. Merci beaucoup, Nicolas. Nicolas Charme de l'Écho de Trois-Rivières. On te retrouve en studio la semaine prochaine. Exactement. Lundi à 8h30. Merci encore. Bonnes vacances, bonne journée. Merci, messieurs. Bonne semaine à vous aussi. Salut, toi aussi. Allez, au revoir. Ah, Nicolas Charme, toujours heureux de lui parler, même si c'est par téléphone et qu'on a l'impression qu'il est bien loin. Il est là quand même. Oui. Nicolas. Nous, c'est la fin de l'émission pour aujourd'hui. On se retrouve demain matin entre 7h et 9h. Demain, à l'émission, à 7h30, on aura Stéphanie Gagné, sa chronique Ton plat favori. Ensuite, à 8h30, on aura la visite de Marie-Pierre Laforge-Bourret. Qui nous parle de livres. Booking time! Et demain, je pense, vers les 8h, on va recevoir des gens de l'ergo. L'ergothérapie. Ah! L'ergothérapie. L'ergothérapie. Ça aurait du sens, en tout cas. Ouais, je pense que oui. Donc, c'est à 8h demain, ouais. Ça. D'accord. Dans ce coin-là. Donc, entre 7h et 9h. Sinon, restez à l'écoute à 11h. La prochaine émission, c'est Dîner de con avec Danny Janvier et Charles-André Lambert. Et je serai de retour à 13h. En rappel, pour les palmarès, c'est fou, avec Jasmine Raymond-Dréville. À 16h, les Ladies du Boudoir avec leur musique émergente. À 17h, c'est les gars de tout au lien. Excellente émission. Ben, le Boudoir aussi, hein. C'est pas pour rien qu'on rediffuse ces deux émissions-là. Ça va tellement bon. Tout au lien, c'est l'émission qui fait des liens douteux entre les chansons. Ouais, c'est drôle. J'adore ça. À 19h, le Voyage insolite avec culture rock, littérature et cinéma fantastique. Et à 20h, Simon fait Dubé avec Catalepsie et son émission musicale thématique. Voilà. Bonne journée. Allez voir le cif.ca et assemblagerequis.com. Bonne journée, François-Olivier Marchand. Merci. Merci à Xavier Antoir. Merci à Nicolas Ducharme. Kiwan va être de retour la semaine prochaine. On se quitte avec les Cowboys fringants. Voici Télé. Bye. Bonne journée. Bonne journée. C'est bien vrai, chaque fois qu'on la voit, on sait qu'on la connaît, mais on sait pas pourquoi. Donc qu'est-ce qu'elle joue, une télé-réalité, un film de série B ou un encore TV? On sait pas, mais toujours là. Qu'on en parle bien ou mal, l'important c'est qu'on en parle. Moi je veux passer à la télé, moi je veux que tous les gens me voient. L'important c'est que je fasse parler de moi. Moi je veux passer à la télé, moi je veux que tous les gens me voient. L'important c'est que je puisse parler de moi. Sa vie est à l'ère des communications, elle est un livre ouvert et veut de l'attention. Et quand elle est sourde, elle perd un peu la voix, elle écrit des horreurs sur son compte Twitter. On trouve tout à la loupe ses problèmes de dope, ses histoires de couple comme dans un mauvais son. C'est jet set, c'est glamour. C'est bien vrai, chaque fois qu'on la voit, on a de l'intérêt, mais on sait pas pourquoi. C'est comme une tragédie, c'est comme un accident qui fait qu'on ralentit pour voir s'il y a du sang. C'est jet set, c'est morbide. Qu'on en parle bien ou mal, l'important c'est qu'on en parle. À la télé, moi je veux que tous les gens me voient. L'important c'est que je fasse parler de moi. Moi je veux passer à la télé, moi je veux que tous les gens me voient. L'important c'est que je puisse parler de moi. Mets son cul, son âme à nu dans le but d'être reconnu dans la rue. Mets son cul, son âme à nu dans le but d'être reconnu dans la rue. Et quand elle débarque sur un plateau de télé, faut qu'elle se démarque, elle est là pour choquer. C'est avec émotion qu'elle parle de désintox et de la passion qu'elle a pour le botox. Elle est vraiment ivre avec son air figé, coupée de plasticine, venue se confesser. Mais son cul, son âme à nu dans le but d'être reconnue dans la rue. Combat inutile dans un monde futile où un jour on te jette comme une vieille chaussette. Et du nid échappe car le temps rattrape la jeunesse factice et les beaux artifices. Et on l'oubliera, la jolie starlette, et elle passera comme une comète. Et on l'oubliera, la jolie starlette, et elle passera comme une comète. Et on l'oubliera, la jolie starlette, et elle passera comme une comète. Si là, si là.